Attention, attention, tout corps vivant branché sur le secteur est appelé à s'émouvoir et à participer. 09 70 407 306 pour réagir avec l'équipe. Les spéciales du vendredi soir, c'est jusqu'à 23h sur Indestar. Bonsoir à tous et bienvenue sur Indestar, vous êtes dans l'émission Débat du vendredi soir. Et bonsoir Linda, ouais, on est bien vendredi, on est bien le soir, on est bien 21h. Vous êtes au bon endroit. Ouais, moi ce que je retiens c'est qu'ils ont dit de 21h à 23h. Ouais, 23h et plus si affinité, parce que clairement... C'est quasiment minuit et demi des fois. Souvent, ouais. Ouais, mais quand on est bien, on dit toujours la même chose, on ne compte pas. C'est ça. Voilà. C'est ça. Oui. C'est aussi c'est simple vrai. Que ça. C'est vrai. Comment ça va, Teddy? Eh ben écoute, en pleine forme, ouais, je taffe dans ma nouvelle boulangerie, c'est royal. Ouais, j'emprunte des livres dans ma boulangerie quand même, non, parce qu'ils dingue. Ont une bibliothèque dans la boulangerie. Ouais, en c'est contre, je suis pris un petit livre pour lire une encyclopédie quand même, mais sur le pain évidemment. Ouais. Mais ouais, je m'amuse bien dans ma c'est boulangerie. C'est cool. Anas, on est content de t'avoir avec nous ce soir. Si, si on t'entend. Il parle pas lui. Faut que tu parles plus fort. Parle plus fort. Vas-y viens. Ah tiens on t'entend. Dis donc il y a de la voix. Ça y est je m'entends. Bonsoir à vous. Bonsoir Alain. Bonsoir. On est content de t'avoir avec nous. Merci. Déjà. Et est-ce que toi t'as passé une très bonne semaine ou pas? Ça va? Très bien, j'ai pas travaillé. Bah oui mais non, tu travailles demain toi. La en semaine vrai. A commencé. C'est une demain. Très bonne semaine. Donc du coup repos. Ouais. Plus ou moins quoi. Vacances. Plus ou moins. Il y a des moments on intervient. Ouais et demain ça fond. Parce que c'est ta vraie journée. Demain et dimanche. Dimanche. Bon bah c'est bien. On est en week-end dimanche à 18h. Ok. Pascal ? Ouais. Salut ? Moi, je suis là, toujours. Ça va, toujours présent ? Bah, ça va ta semaine, toi ? Ça va, tranquille. Toi, t'as été chez le coiffeur. Parce ouais, que... t'es en bleu, là. Ouais, ça, on voit pas trop à la caméra, mais du coup, c'est un bleu turquoise. Ouais, bah, tu me l'avais dit, de toute façon, que tu le ferais, donc ça y est, voilà, c'est fait. Ça y est, c'est fait, c'est baptisé, c'est validé. T'es aux couleurs de l'émission, enfin. Et c'est voilà. C'est cool. Voilà, il y a du bleu dans le studio, au calme. Ouais. C'est bien. C'est vrai. Angé, salut ! Oui, cool. Ça va ? Bonsoir. Bah oui, ça va. Bon. Alors, et toi, tes camions, tout ça, c'en est où? Bah moi, je suis en week-end jusqu'à dimanche. Mais tu viens de changer encore de boss, si j'ai bien compris? Non, j'ai deux boulots, mais j'ai pas encore changé de boulot. Je vais chanter peut-être. Je suis plus moi. Ouais, tu vas chanter? Non, évite. Chanter. Évite. C'est dans la classe non, qu'on chante ça encore. Ça se passe bien, bon à part que je me prends toutes les intempéries, mais. Ah mais ça c'est le risque, hein. Voilà. Comment ça, tu te les prends? T'es dans un camion? Ah non, parce que je descends tout le temps. Ah c'est moche. Et donc du coup bah il y a les feuilles qui s'envolent, il y a la pluie. Ah il y a des feuilles qui volent, excusez-moi, il y a un peu de vent. Trop dur. Mais ça va. Alors je suis contente ce soir parce qu'il y a ma petite mini moi, Léa. Bonjour. Salut ma mini moi. Bonjour mini toi. Comment ça va? Bah ça va. T'es contente d'être là? Mini vous. Oui mais j'ai froid. Ah mais oui mais ça t'inquiète pas, tu vas te réchauffer dans quelques minutes. Oui mais j'ai froid. T'as quelque chose à nous raconter de sympa pour cette semaine qui vient de se dérouler ou pas? J'ai froid. D'accord, ok. Bonsoir Hugues. Yann. Ça va bien? Ça va, ça va. Qu'est-ce que tu nous racontes de beau? T'es là déjà, ça fait plaisir déjà. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce que tu peux nous raconter pour nous parler de... Rien, grosse semaine, travail, école, c'est vrai et c'est fini. Ah c'est fini? Bah ouais, je suis en week-end. Ah cool, donc on en parle plus, c'est ça? On est en mode repos. On peut en parler si vous voulez, mais okay. C'est le week-end. Ah, allez, ça, ça veut dire... Ça veut dire c'est bon, on est en vacances là, on va parler vacances. Voilà. Kylian, salut. C'est cool, tu devais pas être là, mais t'es là avec nous, c'est sympa. Imprévu, c'est pourquoi bien. Pourquoi tu devais pas être là? Parfait, parce que c'était pas au programme, mais écoute, parce que j'ai une compétition demain. Demain, il se lève tôt, je pense. Et du coup, t'as plus de compétition? Si. Bah, j'ai compétition demain, 12 heures de tir d'affilée. Mais tu le fais quand même, du coup. Mais ouais. En fait, de base, tu voulais pas venir parce que t'avais compétition, mais tu viens quand même parce que t'as compétition. Non, c'est juste pour bien dormir, c'est tout. Ah, mais d'accord. Ou pas dormir du tout, peut-être aussi. Dormir, aussi, on peut ouais. Donner. C'est vrai que c'est une prérogative. Pour dormir, faut aller dormir. Oui, de base, ouais, oui. De base, oui. Bah bon, on est bien content de t'avoir. En tout cas, c'est cool que ce soit avec nous, malgré tout, que demain, t'as des gros projets, mais voilà, oui, c'est oui. Cool. On a Théo, qui est avec nous. Il est un peu loin de moi. C'est bonsoir. Rare. Moi, j'ai pas de compétition demain. Hein. Ouais, c'est vrai. Je fais virer. C'est étonnant. Non, le sport, c'est loin. De toute façon, j'ai jamais entendu une seule fois dire Théo, tiens, j'ai une compétition demain. Non, mais non. Ça fait je sais pas combien d'années que je vais dire. Parce que tu ne m'as pas connu. Quand tu faisais des compétitions? Dans une autre vie. Ah, ouais, ça doit être j'ai ça. J'ai peut-être eu des vies antérieures où je faisais des compétitions, mais pas celle-ci. Bah, bonsoir à tous, en tout cas, ça fait plaisir d'être là. On va parler, ouais. On va voyager ce soir, je suis content. Bon, t'aimes c'est bien cool. Le voyage? Bah, écoute, tout le monde oui. Aime ça, je crois, non, non c'est... Non bah, on va en débattre tout à l'heure, on va voir justement. Bah oui, en tous les cas, vous savez que moi, oui. D'accord. On a aussi un invité Thomas, derrière, on a, te on cache a Thomas. Pas. Fais-nous Thomas que... qui est sur son téléphone, là, vas-y, je le dérange. Allez, donne de ta voix. Bonsoir. Bonsoir, Thomas. Oh. Une belle voix, Thomas. C'est rare qu'on l'entende. Hein. Hey, Thomas, c'est sensuel. Hein. Le voyage, ça te parle, toi? Non, pas trop. Non. T'as pas envie de voyager? Tu pars pas ou t'es déjà parti? Non, je, ou... pas, moi, non. Je reste sur Amboise. Moi, je pars pas. Qu'est-ce que tu parles? Bah écoute, non, bah, tu verras, t'as tu vas bien voyager un jour. Amboise, c'est bien. Et tu es de la région Centre-Val de Loire, Thomas? Loire-et-Cher. Donc, ah t'as bah, voyagé. Il a quand même voyagé, il a changé voilà. De département. Alors, voilà. Indre-et-Loire, Loire-et-Cher, hein, pour ceux qui découvrent, c'est vraiment à côté. Hein, c'est mais... la Sologne, c'est un autre pays, hein, clairement. C'était où dans Loire-et-Cher, plus précisément? À Blois. Ah bah ouais. Ça va. Il a fait 30 km. Bravo. Incroyable. C'est la frontière quoi. Je t'assure, c'est un autre pays. Moi, je découvre ça. Ils ont des trucs bizarres. C'est pas pareil parce que dans le Loir-et-Cher, tu marches dans la boue. Ah bon? Bah, ouais. Tu sais, ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Vraiment? Ah oui, dans le Loir-et-Cher. On dirait que ça gêne, marche et dans la boue. Mais si, ça oui, mais je savais pas qu'il disait Loir-et-Cher. Bah si, la chanson s'appelle le Loir-et-Cher. Bah oui, dans le 41, ça a l'air cette jeunesse. C'est horrible. Une chanson sur le Loir-et-Cher. Qui aurait cru ça? Non, ah ouais. On va oublier les chansons sur le Loir-et-Cher. On va parler de voyage. Et est-ce qu'on dirait on parlait pas des thèmes de ce soir? Ouais. Alors je vais vous les faire. Tout ce que je veux, c'est qu'on parte pas dans le Loir-et-Cher. Non, du tout. Alors, voyage organisé ou partir à l'aventure? C'est bien. Ouais. C'est bien ça. Ouais. On va se poser la question. Soit tu pars, what the fuck, ouais, aller pas les couilles de tout. Ouais, soit bah ouais. T'es carré comme Linda. Non, t'inquiète. À telle heure tu pars, à telle heure t'arrives. Non. Ça c'était avant ça. Là, programmé. Regarde sur ton conduit comment c'est. Après, on sait jamais à quelle heure on arrive. On sait jamais. On part, mais on sait pas quand on arrive. Ouais. C'est ça. Et on sait pas quand on revient. Alors, aussi. Le deuxième thème, s'adapter. Mais avec Linda, elle sait même à quelle heure elle va crever avec mais sa non voiture. Ne dites pas ça. Je vais changer. Ok. De smart. C'est ma smart. D'accord. Bon, je peux vous dire la suite parce que c'est pas moi le sujet en fait. Hein. Alors, s'adapter au pays d'accueil, genre les rites, les coutumes, l'alimentation, se vêtir, tu vois, c'est quand t'arrives dans un endroit. Se fondre dans la masse. Se fondre dans la masse, c'est ça. Être un autochtone parmi les autochtones. Alors, aussi, on a posé cette question, est-ce que les frontières, ça peut poser problème? Est-ce que c'est bien? Est-ce que. Voilà. Quand t'oublies pas ta carte d'identité, c'est bien. Hein. Voilà, c'est vrai. Oui, c'est ça. Quand t'as une carte d'identité, c'est. Quand t'as un passeport surtout. Quand ça fait trois fois qu'on te dit de faire. C'est pas vrai, ça fait pas trois fois même. Oui. Ensuite, on s'est posé la question si c'était mieux un voyage court, long, un road trip quoi, ou un truc sédentaire. C'est un peu beaucoup. Ça a mélangé beaucoup de choses. Bah oui, mais moi je vais toujours dans tous les sens. C'est soit tu fais un road trip, soit tu es là-bas pour assez longtemps quoi. C'est ça. Oui. Court ou long. Oui, ça y est, je viens de comprendre. Tu vois, ça y est. Ouais. Ça monte pas. Hein. Ça percute. Hein. T'as du mal. Ça fatigue, t'es dit. Ça fatigue. On va dire ça. Et puis on s'est demandé pour parler. Est-ce qu'il faudrait pas un langage universel? Oui, effectivement, parce que la question de frontière par frontière, oui, un langage universel pour que tout le monde puisse comprendre tout le monde. Quelque chose qui mais il y en a, hein. Il y a des gestes qui sont très explicites dans tous les pays. Le langage des signes. Ouais. Le langage du cœur aussi. Non, mais le langage des signes, c'est déjà un langage universel en soi. Et puis la question bonus qu'on a mis sur les réseaux, qu'il faudra que j'aille voir d'ailleurs, s'il y a eu du retour. Ouais. Partir seul ou à plusieurs, entre amis, en famille, en couple, sans enfants ou avec des enfants, enfin c'est pas la même chose du coup. Il y a déjà eu mon retour, je crois, normalement. J'ai voté, je crois. Je vais aller voir ça. Voilà, la soirée, ça va être ça. Kylian, j'ai répondu à tes questions pour le coup. Tu as tous les thèmes de ce soir. Oui, c'est bon, t'es à l'aise? Là, c'est bon. Oui. Allez, on va y aller alors. T'es dit? Bah oui, mais avant ça, on va écouter de la musique alors. Et quelle est la musique? On va écouter Griffin avec son titre Reckless sur Indestar. Driving it blind. I know you're reckless too. Chasing new heights. Driving it blind. Driving it blind. Jusqu'à 23h, c'est l'émission spéciale sur Indestar. Bienvenue à la maison. Bienvenue chez nous à Indestar. Hein, on va commencer le débat. Bah, oui, on va voyager chez Indestar. Ce soir, on parle de voyage, effectivement. Donc, moi, j'avais bien une petite question. C'est est-ce que déjà t'as voyagé, toi? Ah, on a un appel. Ça sonne. Ouais, bien sûr que ça sonne, mais ça raccroche aussi vite que ça sonne. Ah bon, bah alors on va continuer. Elle va bien revenir, la personne qui nous appelle. Je vais te répondre du coup pendant ce temps. Oui, j'ai voyagé moi, un petit peu. T'as voyagé? T'as voyagé où? Je suis allée en Égypte. Vraiment? Ah bon? Ouais, carrément. Mais tu sais qu'ils ont que du sable et des pyramides. Non, mais c'est justement ça. C'est trop bien. Ah bon? Je suis allée comme tout le monde en Angleterre, plus ou moins tout le monde va là-bas. Non. Ah, t'es pas là en Angleterre? Pourquoi? Qu'est-ce que c'est un voyage de base quand on est scolaire, quoi. Voilà. Ah ouais, mais non, moi c'était en Italie. Ok, bon, soit. Après, je préfère les pizzas, la gelatine. J'ai fait l'Espagne et le Portugal aussi. Ah ouais, ouais, t'as quand même pas mal voyagé. Ouais. Il y a d'autres gens ici qui ont pas mal voyagé? Oui, moi. Moi? Ah bon? Quoi? Moi. Quoi? Vraiment? Moi, j'ai pas trop voyagé. Ouais, moi non plus. Moi, j'ai fait la Suisse, le Portugal. Ça, c'est un coup, tu t'étais en fait. Ouais. Alors, on va prendre un appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Oh. Tu peux nous dire ton prénom? Je m'appelle Marie-Aude. Bienvenue sur Indestar. Et je suis quelqu'un qui a beaucoup voyagé. Ah, donc, super. Je me sens concernée par votre émission. Eh bien, tu es la bienvenue. Ah oui. Alors, Marie-Aude, t'as voyagé, tu sais à peu près dans combien de pays? Parce que je sais que t'as beaucoup voyagé pour le coup. Oui, 33. Waouh. Oh, ok, on est largués, nous. Quand même. Est-ce que t'as un globe chez toi où tu choisis le pays au hasard et... Tiens, je vais là. C'est comme dans absolument la pub, là. Non, pas. Top. Ce n'est jamais le cas. Et ouais, je ne l'ai jamais fait. C'est même d'ailleurs un principe de mon voyage. C'est que je ne vais pas chez les gens sans qu'on m'y invite. Ah, c'est beau. Donc, j'attends que le pays m'invite via l'un de ses habitants, via une rencontre, une opportunité. Ah oui. Et si on m'invite, alors je viens, mais je ne m'impose pas chez les gens. C'est beau. Donc, tu as toujours normal une raison d'aller dans un pays. C'est pas... Tu ne choisis pas, en fait. En tout cas, j'y suis invitée et j'y suis attendue. Waouh. Et je ne vais pas, voilà, simplement pour m'éclater dans un pays. Un pays, c'est comme une maison, c'est pas une cour de récré. Oui. Il y a des gens qui y vivent, oui, des gens qui y naissent, des gens qui y meurent, des gens qui y rient, des gens qui y pleurent. Et je me dis que j'ai pas le droit juste de débarquer parce que waouh, c'est mes vacances. Allez, faites-moi rire. Puis surtout qu'en plus, t'as une autre optique avec ça, avec le voyage, je crois. Dis pas de bêtises, tu ramènes des choses non, en France. Non, je dis pas de bêtises, mais en fait, d'abord, mon optique, c'est de voyager, de vivre avec les gens. Après, ouais, mon métier de prof de danse, c'est que je m'intéresse aussi et particulièrement aux danses des pays dans lesquels je suis invitée. Oui. Mais la première chose qui m'intéresse, c'est l'autre et celui qui est différent de moi. Et, c'est et du que partage, je peux rencontrer quoi. Sur place. Voilà. C'est le partage, en réalité. Je vais vous dire mon expérience de vivre dans des familles de différents pays. C'est que, oui, il y a un partage humain, bien sûr, mais très rapidement, dès le début de mes séjours à l'étranger, j'ai remarqué que c'est un partage, mais ce n'est pas un échange. Dans le sens où, très souvent, quand j'étais dans des familles, on s'intéressait très peu à ce que j'étais moi. En fait, les gens avaient très à cœur de me faire découvrir, partager leur culture, que ah, je vive oui à leur rythme et avec eux. Mais il n'y avait d'accord pas forcément un intérêt sur mon mode de vie à moi, celui dans lequel j'ai grandi ou qu'on a tous plus ou moins en France ou en Europe. D'accord, ouais, je vois. Mais j'ai une autre question qui me vient. Tu as dit que tu n'allais pas dans un pays sans y être invité. Mais comment tu fais pour être autant invité du coup? Parce que moi perso, je sais pas, j'ai envie, je sais pas, d'aller on va dire au Canada. Moi, je connais pas de Canadiens sous la main. Peut-être perso, qu'elle communique avec des gens. Eh ben, plus peut-être que c'est pas le moment, tout simplement. Ouais, il y a des pays que j'aimerais visiter ou des endroits du globe où je me dirais waouh, j'irais bien là-bas, mais je me dis que y aller pour y aller et être après dans un hôtel ah oui ou même dans une auberge de jeunesse en attendant. Non, mais ça je suis d'accord. Ça m'apportera jamais rien. Mais du coup, ça veut dire donc, que tu connais des gens de chacun de ces pays en fait. Comment tu prends contact parce avec ces gens en fait? J'ai connu des gens de chaque pays, mais ça s'est pas fait tout d'un coup. Hein. Je les connaissais pas tous d'un coup et puis allez, bah oui, je les ai fait les uns après bah les oui, autres. Je m'en doute. C'était de rencontre en rencontre. D'accord. Ça s'est fait comme c'est ça. Mais... Donc j'ai commencé à voyager. Comme je disais, je suis prof de danse, donc oui, j'ai commencé à voyager grâce à la danse. J'enseignais la danse dans différents pays. Et donc, au départ, le contact se faisait, je vais dire, de manière professionnelle entre écoles de danse. Je dis, voilà, je fais des stages de telle danse, est-ce que ça vous intéresse dans votre école? Oui, puis de fil en aiguille. Ça se fait tout seul, en fait. Le point de départ, c'est la danse. Tu vas faire un cours dans un pays, en fait, tu rencontres des gens qui, eux, vont t'inviter dans leur pays, qui ensuite, c'est tu rencontres d'autres gens. C'est génial. C'est une chaîne sans fin, ouais, c'est cool. C'est carrément bien. C'est exactement comme ça que ça se passe. D'accord. Mais parfois, c'est pas forcément grâce à la danse. Ouais. Le dernier voyage que j'ai fait avant la pandémie, c'était en Éthiopie. Et en fait, j'avais rencontré une famille éthiopienne qui vit ici, à Tours, où je réside, et on s'est liés d'amitié. Ils m'ont toujours dit « Oh, un jour, tu devrais aller en Éthiopie, tu devrais faire notre danse. » J'ai dit « Bah, chiche !» Bah voilà, il ne faut pas te le dire deux fois. En riant, et un jour, ils ont dit « Bah, c'est le moment. Bah, tu peux aller dans notre famille, ils t'attendent. » C'est génial. Et donc, j'ai pris l'avion. Marie-Aude, c'est typiquement le genre de personne, effectivement, il ne faut pas dire « Eh, viens dans mon pays !» Parce que, en fait, dès le lendemain, tu la vois parce dans ton... Viens, en fait, ah, allez, au bas de ta porte, ouais, je suis là. Tu m'as dit, je viens. Oui, voilà, c'est ça. Mais, c'est cool. Mais je ne me serais jamais permise de... Si ça ne m'intéresse pas d'aller dans un pays pour être dans un hôtel ou même dans une auberge de jeunesse... Où toi, tu veux vivre au centre de d'une famille... Avec des gens, avec des gens qui t'ont invité. C'est ça, mon voyage et mes séjours, je n'ai toujours... À de rares exceptions près, que vécu dans des familles locales. D'accord, c'est le mieux en vrai. Hein. Vivre la vraie vie, quoi, au final, tu vois. Ah, comme le... eux. Ben, c'est mieux, en tout cas. C'est son optique de vie. C'est ma démarche à moi. Après, oui, voilà, c'est ça. Forcément la démarche de parce qu'il y a des gens, les auberges de jeunesse, ça leur convient. C'est pas non plus une chose facile, attention. Hein. Mmh. Vivre avec les gens, c'est. Oui, bah, déjà, faut les comprendre. Parce que autant dans une auberge de jeunesse ou un hôtel. Tu peux peut-être parler français mais avec les yeux, on comprend des fois. Ouais, avec toi, les... ouais, on parle pas très bien avec mes yeux. On parle souvent anglais, la langue universelle. Ça, c'est quand même. Une non, mais il y a la culture familiale. C'est ça marche dans les films, hein, je comprends avec les yeux. Oui, ouais, ça fait pas tout. Ça dit pas j'ai faim. Ça dit pas c'est quand qu'on mange. Ça dit pas. Au fait, pour faire ton pas de danse, tu fais. Voilà. C'est ça, exactement. Mais oui. Souvent, on me dit, mais. Du coup, t'as dû vachement échanger sur la culture, etc. Non, parce que... Non, t'as juste beaucoup pris, en fait. D'accord. Bon. T'as servi d'éponge et t'as pris tout ce que tu pouvais. En fait. Je vois. J'ai une autre question. Est-ce qu'il y a un pays qui t'a particulièrement plu? Parce que j'imagine qu'ils t'ont tous plu, quand même. J'espère, en tout cas. Ouais. Évidemment. Je me suis ennuyée nulle part. Ouais. Mais justement, j'ai pas de pays préféré pour deux raisons. La première chose, la première raison, c'est que chaque famille qui m'a accueillie, parfois plusieurs dans un même pays, ouais. Chaque famille m'a accueillie parfois comme leur propre enfant, ouais. Comme une amie, comme un membre de leur famille, et je ne me verrais pas préférée. Ah ouais, tu peux pas choisir. Plus que l'autre, chacune m'a accueillie dans la mesure de ses possibilités, parfois très grande, parfois très mince. Oui. Et aussi, la deuxième raison, c'est que ce qui me marque et me touche le plus dans ces voyages, c'est l'incroyable diversité du monde. Et que, bah oui, du coup, toi, t'en as vu. À quelques kilomètres près, c'est. Il n'y a rien qui est pareil, quoi. Ouais. J'aimerais que ça reste différent, en fait. Ah oui, pour ne pas perdre, justement, tout ça, quoi. J'ai une question. Est-ce que tu as déjà eu des mésaventures? Genre un truc que tu n'avais vraiment pas prévu, bien mais. Bien sûr, ça fait partie du jeu. Hein. La pire chose. L'anecdote, quoi. Ouais. Alors j'ai deux pires anecdotes, une qui est vraiment triste et une qui finit bien. Fais-nous celle qui finit bien, je pense que c'est une bonne idée. Oh non, celle qui est triste. Les deux au pire. Les deux. Ok, alors je commence par celle qui m'est arrivée à moi. Ouais. C'était relativement au début de mon voyage autour du monde parce que pour camper en fait les choses. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai vendu tout ce que je possédais. Ah ouais. Et ce qui restait de ma vie tenait dans une valise. Et j'ai commencé à voyager de pays en pays. C'est beau. Ouais, j'ai commencé c'est cool. à voyager en 2010. Et ça a duré comme ça pendant 4 ans. Puis après, bon, je me suis resédentarisée à Tours, mais je continue de temps en temps de voyager lorsque j'en ai l'opportunité. Bref, je reviens au tout début de mon voyage. Et un des premiers endroits où j'atterris, mais vraiment littéralement, c'est au Ladakh. C'est un endroit que personne ne connaît, mais en fait, il s'agit de l'extrême nord de l'Inde, c'est dans l'Himalaya. Ouais. En fait, c'est l'autre version du Tibet, tout simplement. Okay. En gros, vous passez de l'autre côté du Tibet et vous êtes au Ladakh, mais ça appartient à l'Inde, d'accord. Administrativement. Et j'ai vraiment atterri là sans y être préparée, et c'était maintenant, en fait, en 2011, c'était maintenant en plein hiver. Et donc, en journée, il faisait moins 25 et l'hiver, et la nuit, il faisait donc dans les moins 40, etc. Ça chatouille. C'était, voilà, ça piquait un petit peu. Ouais. Pour vous donner le contexte, je dormais avec tous mes vêtements, une parka, un bonnet, des gants et quatre couvertures. Parce qu'il n'y a pas de chauffage dans les maisons la nuit, il faut savoir. Ouais, allez, d'accord. Ouais. Donc voilà. Donc ça, c'était pas cool. Et bah, c'est la vie. Oui, ah oui, non, mais tu peux pas y faire grand chose, hein, bah de non, toute façon. Mais oui, oui. On peut rien y faire. Et donc, bah, pour quelqu'un qui n'était pas habitué, c'était pas facile. Et il y avait aussi une autre chose à laquelle j'étais pas habituée en plus du froid et à laquelle je m'étais pas du tout préparée. C'était l'altitude. Ah. Parce que le Ladakh, c'est au plus bas, c'est-à-dire là où j'étais, au plus bas, c'est 3500 mètres d'altitude. Ah, la vache. Et 3500 mètres d'altitude, par moins 40 degrés, ça pique. C'est pas si bas, ouais. Ça, c'est vrai que ça pique. Ça pique beaucoup. Et en fait, à partir du moment où j'atterris au Ladakh, mon cœur était en tachycardie. Ah ouais, ouais, ouais, la respiration. J'ai pompé du sang dans mon organisme. D'accord. Et ce matin-là, la famille qui m'accueillait, m'avait dit, ben tiens, on a un ami qui, l'été, quand il y a quelques touristes qui se perdent au Ladakh, il fait un peu guide de trek, puis là, ben, comme c'est l'hiver, il n'a rien à faire, mais il se propose de t'emmener faire un petit trek de 3 jours dans les montagnes. Moi, confiante. Ouais, tu y vas du coup, sans problème. Go, ben, go. Donc, ce matin-là, au moment où Norbu, mon guide, est venu me chercher à la maison de ma famille, il s'est passé quelque chose qui n'était jamais arrivé depuis le début de mon séjour dans l'Himalaya et qui se passe en réalité assez rarement à cette altitude. Il avait neigé. Oh. Parce qu'en fait, à 3500 mètres, il neige pas forcément beaucoup parce qu'on est au-dessus des nuages, normalement. Ça neige qu'en dessous, en fait. Ouais, bah ouais. Ah oui, d'accord. Ça neige, exactement, ça neige en dessous. Mais excellent. Là, il se trouve que, ben, il avait neigé. Je sais pas pourquoi, j'avais une sorte de... Bah, les nuages avaient plus haut. C'était peut-être le froid, la neige, j'avais du mal à respirer. Bon, déjà, j'avais de base du mal à respirer, mais là, plus que d'habitude. Ouais, bah, tu m'étonnes. Et puis, on commence le trek et c'est vraiment dur physiquement. C'était censé être un truc facile. Amusant. Mais, bon, mais je m'enfonçais dans la neige jusqu'aux genoux. Ah ouais. Et, j'avais pas l'habitude, j'avais du mal à respirer. La totale, bref, quoi. On arrive dans la première auberge, qui est évidemment complètement vide, à l'exception de la famille qui l'habite à l'année et qui la tient. Ouais. Et dans les couloirs de l'auberge, il y avait une couche d'environ 5 à 6 cm de verglas. Ah, la pour aller aux toilettes, c'était la patinoire. Tu glissais, c'est génial. Ah ouais, c'est l'aventure, là. Je m'endors dans une chambre qui m'est désignée sur un tapis. Donc, on dort sur des tapis avec des couvertures sur soi au Ladakh. Je m'endors tant bien que mal, et parce que surtout, je suis épuisée du trek, vraiment épuisant. Le froid plus le. Et le lendemain matin, je me réveille et déjà, je me sens pas très très bien, et je remarque que je saigne du nez. Ah ouais, ça c'est pas bon ça. Et je me sens pas bien, j'ai du mal à respirer, je saigne du nez, et mon guide Norbu, il était pas dans la même chambre que moi. Ouais. Donc je me redresse sur mon tapis et je pousse le petit rideau qui occultait la fenêtre. Et je regarde à l'extérieur, et là, qu'est-ce que je vois ? Strictement rien. Ah mince ! Tout est blanc. Tout est blanc. On est en pleine tempête de neige. Norbu me rejoint dans la chambre et m'explique que c'est la tempête de neige, qu'on ne peut pas sortir, que toutes les routes sont coupées et toutes les communications sont coupées. Parce qu'il y avait des routes déjà, t'as super. Oui, d'accord, je vois. Oui, c'est ça. Oui, oui, il y a des routes qui sont un peu dégagées par les locaux. C'était pour la blague, hein. Oui. Places, les pauvres gens. Et du coup, t'allais pas bien, du coup, toi ? Et du coup, j'allais pas bien. Et en fait, je commençais à avoir des difficultés à respirer. Et bien sûr, le danger de l'altitude, c'est l'embolie pulmonaire. Eh oui. Ouais. Vous commencez à avoir des difficultés respiratoires. Vos poumons se remplissent d'eau et vous mourrez. Super. Et la seule solution d'éviter l'embolie pulmonaire, c'est de descendre de quelques centaines de mètres d'altitude pour récupérer un petit peu d'oxygène. Sauf que là, c'est pas possible. Tempête de neige, route bloquée, pas de communication. Et là tu t'es senti partir, non, du coup ? Et voilà, exactement. Et donc là, c'était le matin. Norbu m'a dit, évidemment, on ne sort pas, hein, on va rester, on va attendre que ça se calme. Et donc, pendant une journée, j'étais en panique totale. Je tremblais de peur de mourir parce que je ne savais même pas où j'étais. Ouais. Je ne pouvais appeler personne, et surtout pas ma famille. Bah ouais. Parce que, de toute façon, aucune communication. Qui passait, ouais. Ah, oui. Et que la seule personne avec qui j'étais, que je connaissais un peu, c'était Norbu. Je le connaissais depuis moins de 24 heures. Et dont l'anglais était approximatif. Assez mince, on va dire, et qui, de tempérament, n'était pas quelqu'un de très volubile. D'accord, ne pas très... Ah oui, voilà. D'accord. Okay. Ouais. Donc oui, c'est peu rassurant, mauvaise expérience. Tu sais quoi, justement, c'est bien, parce que moi, c'était une mauvaise expérience, en tout cas, sur le moment, c'était vraiment une expérience difficile. En fait. C'est bien parce que ça va avec mon futur sujet, en fait. J'ai vraiment pensé mourir au milieu de nulle part et qu'on ne retrouverait jamais mon corps. Aye. Du coup, ça se lie avec le prochain sujet. C'est est-ce qu'il faut organiser le voyage pour partir à, ou partir à l'aventure. Là, c'est un peu partir à l'aventure, c'est risqué finalement. Je crois qu'elle peut répondre oui à cette question. C'est le sujet de la question là. Ouais. D'accord. Il y a toujours des risques, bien sûr. On peut. Ça dépend ce qu'on cherche dans le voyage. Est-ce qu'on cherche simplement à faire du tourisme ou est-ce qu'on cherche à sortir de sa zone de confort et à explorer? Oui, bah oui, c'est, effectivement, il y a plusieurs choix possibles. Moi, ce que je te propose, Mario, c'est d'écouter le titre Alice. Je ne sais pas si tu connais, c'est d'Eddie Mitchell de base. Le titre Alice d'Eddie mm-hmm. Mitchell, repris par Rena Del Cid. Et puis après, tu nous racontes la deuxième D'accord. anecdote, évidemment. D'accord. Allez, on écoute sur Indestar Rena Del Cid. C'est dur à dire. La reprise d'Eddie Mitchell, Alice. Spéciale en direct et en podcast sur indestar.fr. Et oui, vous êtes sur Indestar et on était avec Marie-Aude qui nous racontait ses anecdotes. Oui, parce que Marie-Aude a beaucoup voyagé, elle a voyagé dans 33 pays parce qu'elle. 33 pays quand même quoi. Ça fait plus que. Je sais pas. Il y a de l'expérience ouais. là. Je reste bloqué sur 33. Ouais, c'est de l'expérience. Je suis même pas quoi. Sûr qu'il y ait 33 cas sur le Monopoly, mais. Voilà, mauvaise blague. Donc oui, tu nous as raconté une anecdote qui t'était arrivée dans le nord de l'Inde, dans une montagne. Effectivement, tu étais resté bloqué, mais bon, tu t'en es sorti du coup parce que. Ouais, bah sinon tu serais pas là. Je suis là, voilà. Spoiler alert, je suis toujours vivante. Ouais. Mais par contre, il t'était arrivé une autre anecdote que tu voulais nous raconter, je crois. Oui, bah, tout le monde veut toujours entendre. C'est drôle parce que quand je suis interviewée ou quand je passe dans les écoles, etc., tout le monde veut toujours entendre les anecdotes tristes. Alors. Ah. Mais bien sûr. C'est les meilleurs. Toujours pour la bonne humeur. Alors, mais oui. Alors voilà une autre anecdote. Ça se passe toujours en Inde, mais cette fois-ci dans un tout autre endroit puisqu'il s'agit du désert du Thar au Rajasthan. Ouais. Un endroit dans lequel j'ai séjourné à plusieurs reprises avec une caste, enfin une communauté caste d'intouchables. Donc ce sont des gens qui sont considérés dans la religion hindoue comme impurs ah. et qui vivent à l'écart des autres. D'accord. Donc je vivais avec eux. Ouais. Et cette information est importante pour la suite. Oui, d'accord. Donc j'ai séjourné de nombreuses fois avec eux, et puis une fois où j'étais sur place, où j'arrive à dans les alentours donc de Jodhpur, dans le désert, je vois qu'il manque quelqu'un. En fait, on m'avait dit qu'il y avait une des femmes du village qui avait accouché, ouais. et puis elle n'est pas là. Et donc, ma famille me dit, bah, en fait, son bébé n'allait pas bien. Et donc, elle est allée à l'hôpital pour qu'on s'occupe du bébé. Ouais. Donc, en parlant avec les gens du village, je comprends que le bébé ne va pas bien parce qu'en fait, c'est un prématuré de 7 mois. Ah oui. Et que donc, quand la femme a accouché, ils lui ont mis le bébé dans les bras et ils lui ont dit merci, au revoir madame et bon courage. Ah bah super. Ah, oui. Et donc, elle est revenue dans le désert avec son bébé, ne sachant pas. Évidemment, le bébé faisait la taille de la paume d'une main. Bah oui. Et il ne mangeait pas, il ne buvait pas, évidemment. Il a beaucoup trop jeune. Il a survécu, du coup. C'est peut-être ça le... Alors... Attends. Grille pas les étapes, donc, je crois. J'apprends que le bébé est à l'hôpital et que ses parents ont décidé de le mettre à l'hôpital, déjà, ce qui est assez rare dans ce type de communauté, parce que, en fait, le village était divisé. Certains pensaient qu'il fallait aller au temple pour prier les dieux, et les plus jeunes pensaient qu'il fallait retourner à l'hôpital. Et donc, ils avaient amené leur bébé à l'hôpital. Ouais. J'ai croisé le père plusieurs fois, il me montrait des photos de son bébé à l'hôpital, et il me disait, tu sais, Marie... Et souvent les gens m'appelaient Marie, plus facile que Marie-Aude. Ils me disaient, tu sais Marie, en fait, la nuit, mon bébé a mal et les médecins font rien. Ah. En fait, ce qui se passe, c'est que comme c'était une caste d'intouchables, donc comme ils sont impurs, les médecins prenaient l'argent, mais ils ne soignaient pas le bébé. Ah ouais. Et ah, le soir, on allait danser dans des hôtels avec cette caste, parce que leur métier, c'était de danser. Donc, je dansais avec eux dans les hôtels pour les touristes. Ouais. Et sur le chemin du retour, on achetait un petit quelque chose à manger et on l'apportait aux parents. Il n'y avait droit qu'à un seul parent dans la chambre. Donc, soit c'était le père, soit la mère. Ouais. Et l'autre parent, ce jour-là, c'était la mère, dormait à même le trottoir dans la poussière. Oh là là. En attendant qu'on lui permette de voir son enfant. Elle était maigre, cette pauvre mère, vraiment... Ouais. J'étais choquée par son apparence physique, maigre et sale, et tout le village apportait régulièrement qui un bout de pain, qui du thé, apportait du soutien, apportait aussi de l'argent parce qu'il fallait payer les soins. Ouais. Et un matin, où on se levait dans ma famille, dans notre village, à l'écart de tout, on entend soudain un rickshaw, donc un tuk-tuk qui approche, ce qui est évidemment inhabituel puisque personne ne vient jamais ici. Mmh. Et dans ce rickshaw, on entend des cris de douleur. Ah. Et on voit à bord du rickshaw, il y avait la mère et les 2-3 personnes du village qui étaient restées pendant la nuit. Et la mère, alors que quand le rickshaw s'est arrivé, s'est laissée tomber sur le sol en pierre et en sable du village. Et le père est descendu en tenant dans ses mains un petit bout de couverture rouge. Ah ouais. Et j'ai compris que c'était l'enfant et qu'il était mort parce qu'on ne l'avait pas soigné. Voilà. Parce que personne n'avait voulu l'aider. Ouais, je croyais que c'était une adopte fille, c'est bien. Mais... Non, bah non, ça le finit pas bien, elle te l'a dit. Hein, donc c'est pour ça qu'il s'est réclamé aussi, forcément. Mais oui, d'accord, ouais, c'est assez dur à vivre, j'imagine. On se rend compte que dans ces pays, ça se passe pas facilement. Voilà. On se rend compte qu'on a de la chance. Non, voilà, c'est ça. C'est ça que tu veux... Ouais, qu'on est chanceux, clairement. Ouais, ouais. La prise en charge n'est pas la même, on a beaucoup de chance. C'est même l'éthique, en fait. Oui, voilà, tu soignes pas quelqu'un juste parce qu'il est de telle communauté ou quoi que ce soit... C'est moyen, j'avoue, ouais. Mais bon. Alors, mais t'as beaucoup de pays comme ça. Hein. Quand tu vas dans les voyages organisés, tu vois pas cette façade-là. Je le nie pas, c'est juste que je connais pas. Le pire, c'est qu'ils pompaient juste l'argent. Ouais, c'est ça. C'est ça, donc c'est moche, hein, franchement. C'est vrai qu'ils refusaient même pas l'argent, effectivement. Ouais. Et bah, quand il n'y a plus d'argent, de toute façon, là, les médecins avaient dit, peu de temps avant la mort du bébé, les médecins avaient dit, on peut plus vous garder hein, parce que vous pouvez plus payer, donc on ne vous garde plus. Ok. Du coup. Du coup, excuse-moi, j'interagis. Oui. Juste pour rappeler aussi, on est en direct sur Twitch. Du coup. Exact. Voilà, on est en direct. Donc, vous pouvez nous suivre sur Twitch ou par le biais de indestar.fr, hein, petit logo violet marqué Twitch. Et d'ailleurs, si vous ne pouvez pas nous écouter en direct, vous pouvez toujours nous écouter en podcast sur Spotify, Deezer. Et tout ça. Je t'ai coupé dans ton élan. Voilà, ça. Ouais, c'est ça. Vous pouvez aussi appeler. Non, parce qu'il y a des gens qui, donc, du coup, interagissent. Il y a Luther Bach qui dit qu'il a fait l'Europe à pied, que c'était pas facile, mais que ça a été que du bonheur. Ok. Il a commencé en Angleterre, il avait une copine qui habitait en Picardie. Je lui ai donc du coup posé la question de ce qui était le plus dur en fait, en l'occurrence en stop. Changer de chaussure. Au final, changer de chaussure. Le pire, il disait que c'était les nuits dehors. Ah, ouais, voilà. Il fait froid quoi. Ouais. Et qu'il avait rencontré un pote, directeur de Europe Hard Rock Café, pour y travailler à chaque étape. Excellent. Voilà. Wow. Mon Dieu. Voilà. Ouais, c'est bien. Salut Luther. Ce que je retiens, c'est qu'au final, quand on voyage, on rencontre beaucoup de gens de toute façon. C'est sans doute un des buts du voyage, entre guillemets. Ouais. Tu rencontres des gens. Je crois que le voyage, c'est fait pour ça. Ouais. Ça me rappelle le Pékin Express. Mais c'est pas blague à part. En ce moment, c'est pas ça, d'actualité, il me semble. Je ne sais pas, mais c'est juste comme ça. Je sais que Pékin Express aussi, il y a beaucoup de. J'aurais pas mélangé une émission terrestre avec. Mais non, mais c'est une belle émission pour le coup, ça. Ouais, sur le fait de. Non, mais il y a des endroits à voir en fait. C'est une émission. Le fait de rencontrer des gens, etc. Ouais, ils vont dans les familles et tout, quoi. Vivent vraiment comme eux, tu vois. Ah ouais. Voilà. Nous, on a Mario, c'est mieux que Pékin Express. Alors, moi, j'aimerais qu'on s'y mette un petit peu au débat quand même, si ça vous dérange pas. Est-ce qu'on pourrait. J'aimerais savoir, à votre avis, est-ce qu'il faut organiser ou pas un voyage? Est-ce que l'aventure c'est plus fun? Est-ce qu'organiser c'est quand même un confort parce que tu sais où tu vas et tout machin quoi? On a la réponse. Le choix c'est entre organiser. Ouais, mais après ça c'est un avis l'organisation, personnel après. L'organisation c'est bien, mais je pense que le mieux ça reste quand même l'aventure. Découvrir, aller sur le tas quoi. Tu vois, c'est ton avis, mais je pense qu'Anas il est pas de cet avis. Non, c'est tout dépend des gens en fait. Ouais. Tout dépend le but de ton voyage. Bah ouais. C'est vrai que voyage organisé, bon, tu verras pas vraiment le pays que tu vas visiter ou la ville. Ça va être clos quoi finalement. Ça va être. Ouais, tu vas voir certaines choses, mais tu vas peut-être voir la réalité aussi. Bah, des choses. On prend le côté touristique. J'ai des gens qui viennent me raconter sur mon pays à moi. Ils viennent me raconter dans ma propre ville ce qu'ils ont visité. Ah ouais. Et c'est vraiment différent quand c'est en voyage organisé. Ah ouais. Parce que pour moi, c'est pas les endroits vraiment où c'est à visiter. Oui, toi tu sais où il faut aller et là c'est pas ça en fait. Ouais. Quand on a un pied à terre, comme disait Marino, quand on a un pied à terre, c'est beaucoup plus. Comment dire, le voyage est beaucoup plus agréable. Mm-hmm. Tu vois vraiment la ville, tu vois les gens, tu vis comme eux. Tu vis dans leur maison, donc tu manges tout pareil qu'eux, tu vis comme eux. Là, c'est excellent. Tu sors, t'es guidé. En fait, t'es guidé. C'est un faux truc, quoi. Ouais. T'es dans un hôtel. C'est pour les touristes. T'es dans un hôtel et l'itinéraire, il est fait avant que tu sortes de l'hôtel. Puis il est fait l'itinéraire. Tu es dans un hôtel 4 étoiles alors que la vie, c'est pas ça là-bas, quoi. Tout à fait. Ouais, et après, tu vas visiter des monuments, mais c'est que des sites touristiques. Ouais. Et en fait, tu vois pas l'envers du pays. Tu vois pas la réalité. L'envers du pays et tout ça, en réalité, c'est la rue. C'est autre chose. La rue, bah, c'est plutôt la vie des gens. C'est ça. Ouais. C'est ça. Le pays, chaque pays, les gens ont leur manière de vivre, ont leur manière de consommer en termes d'alimentation, en termes de vie. Tu vois qu'il y a des gens, la viande, c'est vraiment sacré. Ils ne peuvent pas se permettre de manger tous les jours de la viande. Bah ouais. Puis ça coûte cher, c'est onéreux déjà. Et c'est là que tu vois la différence, les valeurs, l'importance qu'il y a dans les pays, quoi. T'habites en Véganie? Ça y est, il commence, t'es dit. Mauvaise blague. Mais... Est-ce que toi, t'as des choses à rajouter sur ça? Parce que toi, t'as voyagé, visiblement. Ouais, j'ai voyagé. Après, je partage ce que dit Anas et Marie. C'est effectivement, moi, je suis pas du tout un touriste. Ça m'intéresse pas d'aller dans des trucs tout faits avec de la bouffe qu'on va retrouver dans notre pays. Ouais, aucun intérêt. Aucun intérêt, ouais. Non. Je préfère partager le quotidien des gens. Alors, ça demande du temps, ça demande... de la curiosité aussi, et puis d'être quelqu'un de... Humble. Ouais, d'humble, et puis de bon vivant, on va dire, de s'adapter aussi. Ça demande... Ah bah oui, il faut carrément s'adapter à une autre culture. Ouais, faut s'adapter, mais c'est là que c'est riche et que c'est intéressant. Ah ouais, c'est là que t'apprends et que tu vis un vrai truc, quoi. Bah le vrai truc, le truc authentique, pas le truc des touristes, là, qui vont aller sur... Où c'est tout parfait, machin, et tout. Parfait, on fait notre photo Instagram. Après, il y en a qui peuvent... Je peux comprendre. Je l'ai fait, moi, en Égypte, et bon, c'est sûr, c'est pas la vérité. Par contre, on était passé à côté des bidonvilles et tu le vois. Mais t'es pas dedans du coup, parce que voilà. Ouais. Toi aussi, André, tu fais ce genre de truc. Moi, j'ai travaillé moi dans les autres pays, c'est pas pareil. Hein. Et alors? Tu te foutais de coucou? Par exemple, j'ai travaillé un mois en Pologne chez une personne, chez des gens, j'ai mangé comme eux. Et alors, c'était bien? T'as vécu dans un autre pays en fait? En Pologne, c'était génial. Je suis allée deux fois en touriste, une fois en touriste et une fois pour aller travailler là-bas, c'était génial. T'as vu la différence entre le touriste et une fois que t'es parti travailler? Oui et non, parce que quand j'y suis allée en touriste, en fait, c'est la même personne avec qui j'ai été travailler après qui nous a emmenés en fait. Ah oui, elle nous a pas vraiment emmenés dans les trucs à touristes et tout, elle nous a montré en fait son pays. Et après, j'y suis retournée chez lui, c'est du coup, puis j'ai travaillé. Et puis, non, du tout. Théo, est-ce que tu peux nous dire ce que t'en penses, toi? Est-ce que t'aimes aller chez les gens ou comment tu fais? Toi, je sais que t'es un peu en mode camping. Lui, il s'organise pas, lui. Alors, moi, je suis en mode camping, en mode road avec trip. Les voitures, Si, je m'organise dans le sens où j'aime bien, quand je pars, voir être un petit peu ce que. Alors, être sûr de ma voiture, c'est une chose. Non, mais de savoir ce que je vais faire, à peu près. Un peu un plan, quand même. Donc, un peu un plan, oui. Après, j'ai un mode de vacances qui me permet. Je suis sur un mode de road trip. Ouais. Donc, j'ai pas de location, de choses qui m'attachent quelque part. Donc, ça me permet de me dire. En fait, sur place, peut-être que j'avais vu quelque chose qui m'intéressait, puis finalement, en arrivant sur place, bah bof. Ouais. Et puis il y a d'autres coins où je me dis, je m'étais pas forcément dit que je m'arrêterais là, et puis en fait, c'est un super coin et je vais m'arrêter 2-3 jours. C'est un bon feeling finalement. Bien sûr, d'accord. Mais j'aime bien effectivement avoir une petite idée de ce que je vais faire pour pas passer à côté de certaines choses, tu sais, en venant à la maison en disant oh merde, il y avait un truc super bien que tout le monde recommande, qu'il fallait faire quoi. Voilà. Mais par contre, je rejoins totalement Anna sur le coup du voyage organisé. Ça, c'est un truc, désolé, mais tous les trucs du genre Club Med ou tout ça, ça Marmara, m'attire pas du tout. Les croisières, les machins, c'est vraiment. Ouais, peut-être que quand j'aurai 70 ans, je serai intéressé par ça. Et habiter genre chez des gens et tout ça, et les coins de pays d'une autre manière. Alors, je l'ai jamais fait parce que j'avoue que. T'as pas eu l'occasion. Non, c'est même pas ça. Je sais que par exemple, ma sœur le fait beaucoup. Moi, j'aime bien avoir un chez moi. Même quand je suis ailleurs, et du coup, même si c'est ma voiture, c'est ma voiture, tu vois, mais d'avoir mon petit chez moi, pour le confort. Oui, je pense que c'est pour mon confort personnel, Et je suis pas forcément très à l'aise quand je suis chez les gens que je connais pas, mais après, ça, c'est moi totalement. Oui. Mais je trouve ça hyper enrichissant par contre. Oui, parce que t'as la curiosité quand même de savoir comment ils vivent et tout ça. Quand même. Alors oui, c'est pour ça que vivre et rester un petit peu dans le pays et côtoyer des gens et faire des rencontres, c'est génial. Par contre, j'aime bien avoir mon petit chez soi, mais après, t'as pas eu l'occasion non plus. Peut-être aussi. Peut-être que si ça t'arrive une fois. Mais certainement, t'as raison. Tu vas prendre goût et. T'as raison, tu m'invites au Maroc. C'est ça. Tu nous invites quand Anas, tu nous invites. Alors attention, Anas, je te précise parce que Marie-Aude, elle nous entend. Ça fait 12 ans que je l'attends. Marie-Aude, elle arrive. Attends, dans une semaine, elle est au Maroc. T'es la bienvenue, Marie-Aude. Alors, j'ai Brigou. Voilà. J'ai Brigou sur. T'as déjà visité le Maroc ? Qui dit. Non, jamais. J'ai allé plusieurs fois en Tunisie, mais jamais au Maroc. Eh bien, t'es la bienvenue alors. Du coup, qu'est-ce qu'elle nous dit, Brigou ? Moi, si vous voulez, je vous invite en Algérie. Arrêtez les invitations, les gars ! Parce qu'on va avoir du mal à partir tous en même temps. Je vous invite en Pologne. Si elle n'a pas fait la Pologne. Alors, Brigou, qu'est-ce qu'elle nous raconte ? Du coup, Brigou sur Twitch qui dit que Anas a raison. Les voyages organisés ne montrent que ce qu'ils veulent. Ce n'est pas la vraie vie. La beauté qui n'existe pas. Alors, c'est sur ça que j'allais du coup rebondir. Ouais. C'est vrai que en général, quand tu fais quelque chose d'organisé, ils vont te montrer que la beauté des choses. Bah, c'est du tourisme après. Ils vont te montrer vraiment que la beauté de la ville, mais ils vont pas te montrer réellement les choses derrière. Voilà, c'est ça. Et après, tu as tous les petits pièges. Tu sais, quand t'es touriste, en général, tu te fais souvent avoir. Là, tu sais, tu vas acheter des trucs, machin, ça va être de la merde. Enfin bref, la camelote pour touristes. Voilà. Bref, du coup, voilà, c'était tout. Ok, je comprends. C'est déjà arrivé. Il y avait une petite anecdote là-dessus. Hein. Une personne qui était partie, un collègue de travail, qui était parti en voyage organisé une semaine à Marrakech. Ouais. Ouais. À son retour, il ne voulait plus mettre les pieds au Maroc. Oh, il a été dégoûté. Et mon père et moi, on a mis 7 ans à le faire venir chez nous. Ouais. Et alors c'est juste 15 jours chez nous. Et on a réussi à le convaincre. Il a kiffé. Et maintenant, il est en retraite, il vit là-bas. Oh là là, d'accord, ok. Il est tombé amoureux carrément. Incroyable. Et il vit à Marrakech, c'est ses enfants qui viennent le voir maintenant chaque été. C'est génial, cette histoire. Il a vraiment la différence, la preuve qu'il y a une grosse différence. Ouais, vous lui avez fait voir le vrai pays. Il est venu passer 2 semaines de vacances à la maison et du coup, il a pris sa retraite. Et ok, c'est là-bas. Cool. C'est cool. Ce qui est cool aussi, c'est d'écouter DJ Flatjack avec son remix, son bootleg de Lil Nas X avec The Weeknd. C'est très à la mode. Indestar. Salut, moi c'est Teddy. Tu penses trouver ta voix en donnant de la voix ? Moi j'anime Peck Avenger, Vita Conso et Recto Verso sur Indestar. Animation, réalisation, communication, écriture, viens faire de la radio avec nous. Rendez-vous sur indestar.fr, rubrique Rejoins-nous. Indestar, là où tout commence, même pour toi. Indestar, là où tout commence. Là où tout commence. Là où tout commence. C'est l'histoire de Thomas, de Lise et de Léa, de Matteo, Zoé et Lucas. Ils habitent en France, au Canada ou en Belgique. Ils ne se connaissent pas, mais ont pourtant un point commun. Ils écoutent Indestar. Indestar. Original, reprise et mash-up, des émissions déjantées, des découvertes et du fun toute l'année, du bout des doigts, sur ton smartphone, ta tablette ou ton ordi. Indestar.fr, TuneIn Radio, Deezer ou Orange Radio, choisis ta plateforme d'écoute et viens rejoindre la communauté Indestar, là où tout commence. I've been trying to call. I've been on my own for long enough. Maybe you can show me how to love. did it before, but we'll do it tonight. I'm going through withdrawals. You don't even have to do too much. You can turn me on with just a touch, baby. Feel out of sea, coming over to me. I'm stressing at night. Be like, you'll be okay and everything's alright. Let me in nothing, cause I'm not wanting anything but you loving your body and a little bit of your brain. Spéciale sur Indestar. Et oui, vous êtes sur Indestar, je vais y arriver. Pou, pou, pou. Vous êtes sur quoi? Sur Indestar. Ouais. Et donc, d'accord, on va continuer à débattre sur des sujets de voyage. Et oui, ce soir, donc, on va parler de pays d'accueil et des rites, des coutumes, de l'alimentation, de se vêtir. Peut-être qu'il faut s'adapter quand on va dans un pays. Oui, est-ce que... S'en inquiéter aussi, peut-être, être curieux aussi, peut-être. C'est ça. Comment tu t'adaptes à un pays? De quelle manière tu le fais? À quel pourcentage, on va dire? Ou quel... Ouais. Quelle, dans envie, quelle mesure quoi, bah aussi, oui, et que, voilà. comment tu fais Mario, est-ce que ça a été facile, je sais pas, par exemple, qu'est-ce qu'on avait dans la Alors vie, par exemple, les rites, les coutumes, l'alimentation, et puis bien sûr se vêtir comme les gens. Est-ce que t'as eu des coutumes qui étaient difficilement acceptables, ou même que t'as même refusé, va savoir. Mariotte, tu l'as peut-être pas... J'ai pas allumé son micro. Pas forcément des coutumes, mais des modes de vie, parce qu'il y a, ouais, y a coutumes, il y a modes de vie. Y a... Ouais. Bah, par exemple, moi, j'ai toujours refusé de taper des enfants. Ah, bah ouais. Parce qu'il t'incitait à taper des enfants? C'est un mode de vie, hein. Il y a beaucoup de gens qui tapent sur les enfants, hein. Ouais. C'est pas toujours... Bah voilà, nous on tape pas nos enfants, on en tout cas, normalement. Normalement, oui. Même par la loi. Alors bizarrement, je te comprends. Dans d'autres pays, ça grave, quoi. Mais d'accord. Mais ton enfant, c'est normal, c'est comme ça que ça s'éduque. Ouais. Donc, d'accord, moi, okay, personnellement, je tape pas les enfants, même à l'étranger. Ouais. Après, moi, j'ai toujours, évidemment, essayé de m'adapter, puis de toute façon, vivant dans une famille, je pouvais pas vivre ma vie. C'est un peu comme ce que disait... je sais plus qui en parlait, d'avoir un chez soi, etc. Oui. C'est Théo. Du coup, quand on vit chez les autres, on a plus d'intimité. T'as, hein, t'as un chez les autres. Là, on est 100% chez les autres, et donc on mange quand ils ont faim et on dort quand ils ont sommeil. Ouais, bah oui, c'est logique. Il y a aucun choix. C'est ça qui rend le voyage en immersion très. Ah bah ouais, total, dire, total. Autre chose. Je vois. Mais alors, ouais, après voilà, moi, alors, déjà. Je me suis adaptée, mais je dois dire que la nature m'a dotée d'un très bon estomac. Ah oui, c'est ça. Ah, tu peux manger pimenté, c'est bon parce que... Alors moi, je peux manger très pimenté, Dieu merci, parce ouais, que sinon, j'aurais vraiment eu beaucoup de mal à voyager. Et aussi, je mange de tout. Je n'ai pas de régime alimentaire particulier, parce que dès qu'on a un régime alimentaire de type végétarien, vegan, etc. C'est compliqué. Bah, allez hop, bah, tu peux plus manger, en fait. Les choses. Bah en fait, on peut plus s'adapter chez des gens. Ben non, si on est oui, végétarien ou vegan. Bah, t'es vraiment la bienvenue au Maroc. Hein. Tiens, en disant moi je mange pas ceci, je mange pas cela. c'est vous qui vous imposez. Mariotte, ça tombe bien. Quand même, vous pouvez pas imposer vos préférences alimentaires. J'ai une question super, là, ça me vient. Mariotte, est-ce que t'as une anecdote sur un truc que t'as mangé qui était horrible, en fait, tu vois, ou un truc très bon, tu peux nous dire dans les deux sens, en fait. Un truc dégueulasse. Alors, j'ai mangé énormément de trucs très bons. D'accord. Alors, faut savoir que j'étais une enfant très difficile. J'étais le genre d'enfant sorti de l'Afrique et du steak haché. D'accord. Et quand on vit à l'étranger, on apprend finalement à construire un palais et à reconnaître différents goûts. Moi, je mange pas de ces j'ai goûté plein de trucs qui m'ont énormément plu. Des trucs que j'aurais jamais pensé manger, des trucs qu'on m'a mis dans l'assiette en me disant pas ce que c'est avec un petit sourire en coin. Ah ouais. Et je t'as peur là. Un petit peu cervelle de vache. Oh là là, d'accord. Okay. Est-ce que t'es fumeuse? Mais j'ai bien aimé, franchement, c'était très bon la cervelle de vache. Hein, cervelle de vache, d'accord. Et un truc horrible alors? Très bon après. Ouais. Un truc horrible, pas horrible, mais un truc que j'ai pas du tout aimé, c'est ce qu'on appelle, c'est au Vietnam, c'est ce qu'on appelle en Asie l'œuf de 100 ans. Ah, mais oui! Qui sont pourris en fait. Ouais. C'est juste un œuf de canard qui est mis pendant une centaine de jours dans des cendres. Voilà. Ouais. C'est ça, et franchement c'était dégueu. Dégueulasse. D'accord. Alors moi j'ai entendu d'autres gens qui m'ont dit que ça passait, alors ça dépend le goût quoi en fait. Bah ça passe, elle l'a mangé. Après, quand t'as faim, je pense. En fait, j'ai pas mangé moi toute seule, mais j'ai goûté un bout d'une fille qui en avait pris. Ouais. On sortait d'un massage. Et en fait, faire des massages, c'est un truc qu'on fait beaucoup en Asie entre amis, amieux ou amis. Ouais. Et quand on va dans des instituts de massage, alors c'est des massages, c'est pas le petit massage de spa, c'est on vous tape dessus, on vous tire. Ah oui, d'accord. Etc. Enfin bref, on sort crevé. Et comme c'est un truc. Je t'aurais fait un massage. Médical, enfin c'est pas pour le repos, c'est plutôt médical. À la fin, en fait, ils donnent quelque chose à manger de requinquant. T'en as un œuf de 100 ans. C'est parti de ce genre de choses. Ah, ok, c'est pas simple. Horrible, horrible. Ouais, je comprends. Du coup, t'avais toujours faim après, quoi. Est-ce qu'il y a. Ah ouais, on crevait la dalle après. Oui, je m'étonne surtout si je veux pas manger. Est-ce qu'il y a d'autres gens, effectivement, qui sont partis dans un pays, qui l'ont découvert et qui ont eu soit du mal à s'habituer aux coutumes, soit qui ont justement eu des facilités à vivre dans ce pays, qui sont comme chez eux. Hein. Allez, Hugues, tiens. Ouais, bah oui. Au hasard, Hugues. Non, enfin, oui et non. Moi, mes deux grands voyages, c'est la Suède et le Québec. Donc, j'ai vécu un an en Suède et 4 ans au Québec. Ouais. En Suède, c'est particulier quand même aussi l'esprit nordique pour se faire du contact. C'est des gens qui sont très sympas, très, très gentils. Par contre, ils sont vraiment sur leur sphère familiale. Et du coup, quand tu arrives en tant qu'étranger, même en passant un an dans le bled le plus paumé, très dur de rentrer dans les coutumes, dans toutes les festivités se font en famille. Fallait monter sur leur bateau et aller attaquer les autres villages, hein, c'est tout. Non, c'est vraiment pas des Vikings. Je plaisante, c'était pour la petite blague. Très dur à intégrer. Alors par contre, au Québec, il y a la facilité de la langue, mais il y a aussi, je pense, un côté accueil qu'ils ont plus simplement. Ils sont accueillants. Ouais, de fou. C'est vrai que les Québécois sont beaucoup plus accueillants. Je sais pas, j'en connais pas. T'as été au Québec? Je peux te dire oui. Non, je connais des Québécois. D'accord. Justement. Ok. Et ils sont franchement beaucoup plus gentils. Déjà, que leur façon de parler, ça te met le smile, quoi. Tu vois. Ils te parlent, leur accent, ça te donne le sourire. Tu rigoles avec eux direct. Tu te fous de leur gueule, non? Je vais juste rebondir là-dessus sur les généralités qu'on peut faire. Ah ouais. Parce qu'il ne faut pas en faire. Tout le monde est accueillant de base si tu respectes la culture. Leur mode de vie. Le mode de vie. Il y a quand même beaucoup de Français qui débarquent en conquérant, notamment à Montréal. Et là, les Québécois vont être moins accueillants. C'est de respecter, en fait. Ouais, t'as raison, Mario. Tu respectes tout le monde et tout se passe bien, en théorie. Hein. Mais, mais ça, c'est normal partout, dans toutes les situations. On respecte les gens et aussi on ferme ta bouche quand on voit des choses qui nous plaisent pas. Ah, on se garde ça. D'accord. Parce qu'on n'est pas chez eux. Et puis on peut pas juger, leur façon. Les gens pour leur expliquer comment ils doivent vivre. Ouais, bah ouais. Parce qu'ils vont pas le faire chez toi, donc il faut respecter quoi. C'est ça. Ok. Quelqu'un. Quand on est chez les autres, pour moi, c'est vraiment toujours comme quand on est invité, même chez des amis ou des gens qu'on connaît pas trop. C'est sûr, ils montrent leur meilleur côté. De temps en temps, quand on les connaît mieux, on connaît aussi leur moins bon côté. Mais malgré tout, on respecte les gens. On sait qu'on n'est pas chez soi, même si on est chez des bons amis, on n'est pas chez soi. Donc. Tu juges pas comment ils rangent leurs serviettes. Ouais, voilà, pourquoi pas. Exactement. C'est con, mais c'est vrai, hein. Ah, moi je serais mis comme ça! Dans ta gueule en fait, je sais ce que je veux. Voilà, on fait pas des remarques dans ce genre-là, c'est. Voilà. Je comprends. Du coup, ils sont rangés comment tes serviettes? Non, je... Enroulées ou à plat? J'ai ou... pas de serviettes, hein, tout simplement. Mais bon, oui. Du coup. Enfin, sur alors... les. Ouais, après, il y a les rites, il y a plein de choses, hein, les moi, coutumes. Moi, ouais, je suis pas trop parti et j'avoue que j'aurais peut-être du mal avec certains rites, évidemment. Ouais, ouais. Je sais pas. Après, vu que je suis jamais parti, je peux pas. La chose, peux la, plus spéculer, dure, bon. La chose la plus dure quand tu voyages, c'est souvent la culture culinaire. Ah ouais bah oui forcément c'est ce qu'on disait c'est ouais. Culinaire surtout alors ouais, je suis difficile dur, déjà ouais. Hein, ouais, mais bon ça même. Me rassure parce que Mario a dit qu'elle était difficile avant peut-être que ça change hein, quand tu voyages mais quand tu voyages en fait ça change mais du coup je voyage pas tout au tout moi ah oui, je pense moi je pense... confirme ouais. Non moi je suis pas tout à fait d'accord avec toi tu vois ah par rapport au tu me dis culinaire moi c'est plus question que tu religion ah ouais, ouais bah ouais de fou là je suis d'accord vas-y dis nous pourquoi. Parce que c'est compliqué d'en parler, c'est compliqué de partager. Parce que, bah parce que chacun a son opinion. D'accord. Et puis donc quand tu intègres par exemple un pays, on va dire un pays musulman ou ouais. Un pays bouddhiste ou peu importe, c'est ça. C'est beaucoup plus dur pour une personne d'essayer de s'intégrer entre guillemets de d'une autre religion de faire déjà. Paraître, ouais. De faire paraître. Mmh. De se retenir, de faire paraître, ouais, ouais. Alors qu'on voit que la personne n'est pas convaincante du tout. Ouais, d'accord. C'est faux, quoi. Ouais. Donc, ça donne une image, mais la personne va le recevoir, mais va voir qu'en fait, n'est pas à l'aise. Mmh. Tu vois ? D'accord. Si ça rentre... Je pense que culinaire, c'est beaucoup plus facile. Oui, tu t'adaptes. Tu manges ou tu manges pas. Tu et vas puis, te retenir, ouais, ouais. Tu vas éviter de manger, tu vas réduire. Voilà. Alors que la religion, c'est pour vous, c'est important. Pour les gens qui sont du pays, c'est important. Ouais, enfin, Nas, elle a quand même dit, Marie-Haute, qu'il faut construire un palais. Oui, un palais dans la bouche. Eh, ça coûte ouais. Cher, hein, construire un palais. Hein. La blague de Théo. La blague. Non, mais j'ai dit à Marie-Haute, ouais, elle est bienvenue. Non, hein, pour piment, la religion, par contre... Mais pour, c'est vrai que c'est toujours des thématiques qui sont beaucoup plus difficiles, délicates et sensibles. Mais il l'impose pas. Mais... De mon expérience, j'ai côtoyé plein de religions, bien sûr, mais je pense que déjà, le simple fait de montrer de l'intérêt pour une autre religion, qui n'est pas forcément la sienne, par exemple, moi je suis française, voilà. Et, c'est les du gens, respect. Ouais, c'est ça, c'est après, dit, ce que tu peux faire. Bien que je ne suis pas musulmane. Ouais. Mais le simple fait que je pose des questions, que je m'intéresse à la religion musulmane, que je leur demande de m'expliquer ceci, cela, comment ils font ceci, comment ils font cela, bah déjà. Déjà, c'est un pas vers eux, quoi. Bah dire. Oui, c'est un pas vers eux, forcément. Après, c'est un pas vers eux, ça ne veut pas dire que je me suis convertie et que. Non, d'un coup, mais tu t'intéresses quand même. Je suis devenue musulmane. Non, mais c'est l'échange. L'échange. Je suis intéressée. L'échange. S'habiller. Alors... S'habiller, bah après, écoute, moi j'ai une anecdote. Après, il y a aussi des croyants par influence. Hein. Ouais. Oui, il y a eu aussi encore tout à l'heure. Ouais, non, en fait, je voulais juste rebondir sur la religion. Pour avoir voyagé dans un pays de culture musulmane avec une fille, des fois c'est un petit peu compliqué. Ouais, j'avoue. Parce que. Il y a. Tu peux pas t'asseoir dans tous les cafés, tu peux pas. Quand t'es pas marié, on peut te regarder un peu de travers, il faut plus ou moins se. Préparer mettre... Bah, se préparer. La fille, elle vivait au Maroc depuis, voilà. Depuis 3 ans déjà, donc elle était plus que préparée, mais après, c'est à quel point tu. Par exemple, t'acceptes de porter. Pas en voile, mais de couvrir certaines parties bah, du corps, alors ouais. Tu crèves ouais. De chaud. C'est un numéro d'équilibriste entre respecter respecter la culture du pays, ce qu'on veut faire, parce que c'est comme alors, ça qu'on est élevé, et puis en même temps se respecter soi. On essaie de trouver l'équilibre. Ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. C'est tout à fait ça, mais c'est exactement tout l'enjeu du vrai voyage, entre guillemets, justement, de trouver cet équilibre, c'est-à-dire de ne pas devenir pas l'autre, mais ouais. de rester ce qu'on est. Et. De pas être une sorte de pâle copie. Non mais après, ouais. C'est, après, c'est vraiment très important. Non mais après aujourd'hui, ce et qui... c'est aussi ça qui apprend la vraie tolérance parce que la tolérance, c'est pas accepter ce avec quoi on est d'accord. La tolérance, ouais, c'est vivre un peu facile. Avec non, mais... des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord. Ouais. Je suis d'accord, mais Mario, par exemple, vous qui avez fait plusieurs pays. Ce qu'il y a aujourd'hui, c'est qu'il y a des personnes. Qui, alors, comme on a aujourd'hui là, ce qu'on a comme problème, c'est que les problèmes de religion. C'est qu'il y en a, ils restent vraiment à l'extrême. Mmh. Et il oui, y en a qui se croivent dans la religion, mais alors qu'ils ne le sont pas. Ouais. Vous voyez Moi, et ça donne une mauvaise image. Moi aujourd'hui, quand on est au Maroc, on est chez moi, les femmes, les hommes sont tous dans la maison, c'est mélangé, il n'y a pas de voile. D'accord. Mais on... Tu te mélanges. En fait, on a une mauvaise après, image. Tu sors, ouais. Les femmes, elles ont. Non, c'est pas qu'on a une mauvaise image. C'est qu'il y a tellement de différences chez nous, chez les propres musulmans, il y a tellement de différences. Comme manière qu'ils le pratiquent. La manière qu'ils le pratiquent, la manière qu'ils se disent musulmans, que même aujourd'hui, nous, au sein de notre communauté, on nous fait des différences, on se fait des différences entre nous. Il y en a qui disent que pour eux, bah, on n'est pas musulmans, alors qu'on l'est, mais parce qu'on est ouvert, ouais. On est modernisé, on est ouvert, on a une éducation qui est vachement ouverte. Donc voilà. Alors, moi, j'aimerais revenir sur le vêtement, j'ai une anecdote. Quoi ? Bah, parce Quoi ? Que quand je suis allée en Égypte, bah, t'es obligé de te couvrir, c'est vrai ça. Ah bah oui. Et du coup, on avait acheté un genre de, je sais pas quoi, un truc blanc. Turban. Ouais, et puis tu mets une ficelle autour. En fait, c'est bien parce que ça te protège du soleil aussi. Bah, je crois que ça sert à ça surtout. J'ai une autre anecdote très drôle, oui. Vous allez tous vous marrer. Mon mari, à l'époque, on était tous les deux, ouais. D'accord. Et ben, on lui a proposé de m'acheter. Avec des chèvres, en échange de chèvres en fait. Donc voilà. Oui, mais alors ça, j'en ai parlé avec des élèves marocains, on en rigolait parce ouais. qu'ils ne font qu'aux touristes. Ah, mais ça, mais oui, mais je me doutais, mais bon, quand même, tu vois, ça passe toujours quoi. Parce que attends, ça marche des fois. Combien de chèvres? Je sais pas, on a pas dit. Mais... parce que j'avoue qu'au bout d'un certain nombre, ça peut être discutable. Attention, toi là-bas. Hein. Après, il a c'est vrai qu'au bout d'un certain nombre, il a pas c'est vrai. Voilà, c'était l'anecdote. Elle est toujours à côté de nous. Moi, j'aurais dit 15 chèvres. Ah, ça suffit, t'es dit. Qu'un chef et trois sacs de blé. Alors, on va écouter Jonas. Oui, c'est ça, Jonas L avec Chapter 1. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire chapitre 1, ça? Chapter. Bah ouais, ouais, c'est ça. C'est ça. En anglais. Hein. Spinning in my head, I can't stand it stuck in bed. Too much pressure inside my mind. Thoughts keep running all the time. Everywhere I get closer, closer to my goals. I break up too much weight on my soul. Depression comes from zero releases. All musicians understand, got too many good pieces. Team player, out and out. What goes around, comes around. But chapter one, here we go. It's time to lose control. It's time to lose control. True girl by my side. Sometimes she's the only light. I'm not a businessman, so there's a daily chance. Pull me down, rip me off if you can. Team player, out and out. What goes around comes around. My chapter one, here we go. It's time to lose control. It's time to lose control. Wanna grow up, live a life the fullest. Realizing matters the most. A wise man once said, being honest may not get ya a lot of friends, but it will always get ya the right ones, the right ones. So I'm still up. What goes around comes around. Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi dès 21h sur Indestar. Ah oui, c'est chaque vendredi. Angé, est-ce que tu peux nous dire si quelqu'un, on sait jamais, veut nous appeler? Parce que je crois que tu devais le faire, mais tu nous l'as pas fait. Bah, tu m'as pas posé la question. Eh ben, je te la pose maintenant. Eh ben, vous pouvez nous appeler au 09 70 407 306. Merci, Angé. Alors, on va débattre sur le sujet des frontières. Alors, apparemment, bah, c'est quelque chose qui, juridiquement, limite... entre deux pays, enfin, oula, limite, alors, ouais, oula, attends. Non mais alors vas-y, dis-le à ta manière, moi j'étais trop carré. Oui, les là. Frontières, c'est ce qui détermine effectivement la limite d'un pays, ouais. D'un État. Alors il y a des frontières qui ont été décidées depuis X temps, il y a des frontières plus récentes, il y a des frontières qui ont été décidées par d'autres pays, il y a des frontières y qui en ont été faites par l'équerre. Il y en a certaines qui ont été dessinées par, à l'équerre, à la règle aussi. Exactement, ah, oui. Non mais oui, mais justement par des gens qui disent, tiens, là c'est bien comme ça, on va faire carré, voilà. Tiens, non, moi je veux un cube. Moi j'ai plus une définition, aussi. Ça peut être des barrières, ça peut être un cours d'eau, des chaînes de montagnes, des déserts. Voilà. Alors ça, oui, c'est effectivement dans certaines manières de faire les frontières, ils se sont dit on va utiliser les barrières naturelles, genre tu ouais, vois derrière la montagne, voilà, c'est un autre pays, on s'en fout. C'est un peu comme ça. Mais du coup, l'idée générale derrière ce thème, c'est est-ce que les frontières, au final, posent problème? Est-ce que ça pose problème pour voyager déjà? Oui, déjà. Est-ce que ça pose problème pour voyager? Mais est-ce que ça pose même une question plus grande? Uh-huh. Est-ce qu'il faut des frontières? Est-ce qu'il faut est-ce pas faut supprimer pas certaines frontières? C'est vrai, on en avait parlé. Parce que par exemple, on parle d'Europe, tu vois, le continent. À quoi ça sert une frontière entre France et Italie, par exemple? Il y a plein de questions comme ça, moi, qui viennent à l'esprit. Alors, il y a des frontières qui ont été supprimées, notamment, je crois, France-Espagne. Ouais. Non, on se mélange pas avec les Espagnols. C'est mort. T'as un petit pile-poil le truc qu'il fallait non, pas. Non, mais elle n'a pas été supprimée, père, alors, parce que j'y suis passée l'an dernier. Avant, il y avait un poste frontière. Oui. Mon père, alors, il mon est toujours, père habitait... donc, il est peut-être moins... On s'est fait arrêter. Laissez-le parler, il est en train d'essayer de dire un truc. Ouais, je sais plus c'est quelle ville, bref, mais vraiment en bas, genre vers Biarritz et tout, enfin, ah ouais, peu importe, pas loin. Ouais. Vraiment pas loin. Mmh. En fait, ils descendaient et on passait la frontière, on était direct en Espagne. Ouais. Et mon père me disait que, donc, du coup, ici, il y avait avant un poste de douane, d'accord, donc une sorte de frontière en fait. Et des gardes de frontière plutôt, la frontière est toujours là, c'est juste qu'elle est plus contrôlée. Elle est plus contrôlée, ouais. Voilà, donc ça a été enlevé. Oui, c'est alors, ça, non, je voulais préciser effectivement, comme tu disais, Teddy, la frontière entre les deux pays existe toujours, entre la France et l'Espagne ou entre d'autres surtout pays européens. Surtout avec les Espagnols. Mais par contre, juste, il n'y a plus de contrôle à la frontière. Alors, ça dépend où vous passez, parce que nous, quand on est remonté du Portugal, donc on est passé pas forcément par l'Espagne, on s'est fait contrôler à la frontière. Oui, parce que moi, je me rappelle. Ça dépend, t'es peut-être passé par le Pertus, là, t'es sûr, tu te fais contrôler. Oui, puis je me rappelle, ma copine, quand elle était plus jeune, elle partait souvent en Espagne. Elle me disait qu'ils étaient souvent contrôlés parce qu'apparemment il y a beaucoup de go fast. Après, c'est pour le tabac. Ça, c'est le douane volante. C'est l'alcool. Je sais pas s'il y a vol, en tout cas, moi je croyais qu'elle était fixe. C'est pour le tabac, c'est pour l'alcool aussi. Pour la drogue, ouais, et tout, voilà, ça. Tout, les sacs, les contrôles. Elle est plus présente physiquement. J'en sais rien, mais bon. Moi je veux pas parler de douane ou quoi que ce soit, je voulais surtout parler de frontières, effectivement. Parce que ça implique quoi? Des fois des passeports peut-être, non? Oui, déjà, effectivement, pour changer d'un pays à un autre, selon les pays dans lesquels tu vas, il faut avoir un passeport ou une carte européenne ou une carte d'identité. Oui, une carte d'identité, ouais. Ouais, c'est la base, la Belgique aussi, je crois. Ou une carte verte. Un visa? Il faut un visa. Attention, j'ai entendu visa, ouais. Ah, bah oui. Qu'est-ce donc un visa? Explique-nous. Parce que j'ai une carte bleue, visa, Mariotte, mais. Ça te plaît. Où tu vas? Une autorisation. Attendez, elle va nous expliquer, Mariotte. C'est quoi exactement? Bah, en fait, un visa, c'est une permission, c'est un permis d'entrée sur un territoire. D'accord. Simplement, c'est un permis d'y rentrer et un permis d'y séjourner. Et comment tu l'obtiens, ce document, en fait? On vous laisse rentrer sous certaines conditions et on vous laisse y séjourner sous certaines conditions et un certain temps, et ça dépend des pays. Donc, et ça, tu le fais quand tu arrives sur place? Quand il en faut un. Non, avant. Alors, ça dépend. Il y a plusieurs solutions. Ça dépend vraiment de la législation du pays. Donc, certes, dans certains pays, il faut faire le visa avant de partir dans le pays. Donc, ça se fait auprès de l'ambassade de ce pays. Si vous voulez aller en Chine, par exemple. Oui, ou en Australie, par exemple. Il faut que vous fassiez le visa à partir de la France, à l'ambassade de Chine à Paris. Ah ouais, mais d'accord. Il y a des pays où vous pouvez avoir ce qu'on appelle visa on arrival. Donc, ça veut dire que vous prenez votre avion, vous arrivez à l'aéroport, vous descendez de votre avion et vous faites la queue à l'immigration. Ah ouais. On regarde votre passeport. Et si tout est OK, on vous met un tampon. Si tout est OK. Visa. Oh, d'accord. C'est le cas, par exemple, au Japon. Alors, je parle des visas touristes, parce qu'après, vous avez des visas touristiques, vous avez des visas de travail, des visas étudiants, etc. Effectivement. Bien, pour le visa touristique qui concerne le plus grand nombre de personnes, voilà. Il y a certains pays où vous n'avez pas besoin de visa, certains où vous avez le visa on arrival, donc à l'arrivée, ouais. Et d'autres, il faut une longue, voire douloureuse procédure avant de l'obtenir auprès de l'ambassade c'est compliqué. Et de pouvoir partir. Je vois. Hugues, c'est compliqué et c'est payant surtout. Ah oui, c'est ça aussi, c'est pas c'est payant. Alors, c'est pas gratuit. C'est compliqué et dans c'est payant. Dans beaucoup de pays, le visa est payant. C'est compliqué et c'est payant, mais il faut quand même se dire que nous, en France, justement avec les Suédois, je crois, on a quand même le passeport le plus facile du monde. C'est-à-dire que si on veut aller voyager dans un pays, globalement, vu qu'on est français, ça va. Si tu es érythréen et que tu veux aller faire du tourisme... C'est beaucoup plus et quoi c'est pas pareil. Mais non, mais disons que comme on est considéré comme un pays riche, les portes sont ouvertes, quoi. On est de la monnaie, quoi, en gros. On est de la monnaie, puis il y a des mondes qui passent parce que dans l'absolu, ils se disent, bon, bah oui, lui, il va pas se perdre dans la nature. Oui, après aussi, les personnes d'Afrique, enfin, je vais dire l'Afrique, mais des pays pauvres, on va dire. C'est violent. Quand ils viennent dans des pays plutôt, on va dire, riches. Aisés. Ouais, aisés. On va dire aisés, ils sont. Pour les douanes et tout ça, ils vont être dépaysés. Plus difficilement acceptés, c'est ça que tu veux dire. Bah oui. Tout ça parce qu'il y a une genre de discrimination. C'est ça, c'est ça. Mais oui, mais une c'est sorte le. De discrimination, non, c'est pas logique. Non, c'est pas histoire de pays pauvres ou quoi. Parce que regarde, par exemple, le Maroc et la Turquie. Ouais. Il n'y a pas besoin de visa. Pourtant, la Turquie, c'est un pays riche. Aussi. C'est des ententes. Attention, c'est une entente, voilà. Comme il disait tout à l'heure Hugues. Oui, normalement, il y a un système de réciprocité entre les pays. C'est-à-dire que. Il y a un accord. Nous, on a besoin d'un visa assez lourd, entre guillemets, pour aller en Chine, c'est pareil quand les Chinois viennent en France. L'Angleterre. Pas, les Chinois peuvent venir prenons en France. Prenons l'exemple de l'Amérique. Nous, pour aller en Chine, c'est la loose. Ouais. C'est toujours normalement une réciprocité d'accord entre les deux pays. D'accord. Alors, forcément. Moi, j'ai deux petites anecdotes là-dessus, mais je vais commencer par parler de ma sœur qui, du coup, son copain est malien. Alors, très clairement, pour aller au Mali, aucun souci. Ouais. Par contre, pour que la personne vienne en vacances en France, c'est la croix à la bannière. Quoi. Mmh. Et c'est sous autorisation, enfin, sous le bon vouloir des personnes dans l'administration qui décernent ou pas selon s'ils ont envie de. Tout simplement. Sans raison. Petite discrimination facile. Discrimination très facile. La deuxième chose, tu parlais tout à l'heure, t'as dit de la multiplicité des titres. Petite anecdote, quand j'ai voulu aller dans le sud de la Croatie, où tu passes 10 km en Bosnie, en fait. Tu passes la frontière. Et sur la carte d'identité, en fait, en France, maintenant, on a décidé qu'une carte d'identité, c'est marqué 10 ans de validité, mais qu'en fait, en réalité, ça peut être 15 ans. Voilà. Ah oui. Ça, c'est valable dans certains pays et pas dans d'autres. Et la preuve, justement, avec. Ce passage en Bosnie où tu dois avoir une carte d'identité valable dans les 10 ans et déjà il faut que tu fasses comprendre à la mairie de ton quartier que en fait t'en as besoin pour passer à ce moment-là, à faire une lettre de motivation en gros pour dire oui j'en ai besoin parce que je vais voyager de telle date à telle date, donc tu dois prouver ça. Et en fait, c'est vrai que je trouve que ça gagnerait en cohérence d'être un petit peu. Que tout le monde soit pareil, un peu quand même. Un peu plus light. Standard, quoi. Alors que tout le monde soit pareil, logé dans les mêmes enseignes, effectivement, plus partout moins, sur, sur la planète. Et aussi qu'il y ait un peu plus de formules, plus light. Quelque chose qui soit plus facile, parce que là, tu peux très vite te faire avoir. Hugues, t'as quelque chose à rajouter. Alors, je suis désolé, mais ton rêve va être déçu. Je pense que l'attribution des visas, c'est quelque chose de hautement politique. Que ça va pas changer. Oui, parce que. C'est par un exemple, rêve qu'il a dit. Ouais, c'est un rêve et ça changera pas parce que, par exemple, tu vas en Israël, tu vas en Iran, si tu as ton tampon, comme quoi, tu sais, de la douane israélienne ou de la douane iranienne, tu vas dans un autre pays et que tu arrives et que tu montes ton passeport avec ce tampon-là, sachant que c'est des pays qui sont un petit peu clivants, c'est mort, tu peux rentrer chez toi. Et tu peux te faire recaler. À l'entrée du pays, si tu viens en avion, tu peux pas arracher la page ou si t'as une escale, si t'as une page arrachée dans ton passeport, tu ne rentreras pas. Ah ouais, c'est ouais non, c'est très. Je sais pas, j'ai pas de passeport, je connais pas. Moi, je passe pas les ports, donc mauvaise blague. Ah, c'est comme l'Amérique avec la carte verte. C'est quoi ça? Alors, carte verte, c'est pour travailler. Pour travailler. Voilà. Ah, mais, il te faut. Tu leur donnes la carte vitale. Carte verte. C'est comme un visa, c'est comme un visa, sauf que ça te donne le visa, te donne pas le droit de travailler en Amérique. Ouais. La carte verte te donne le droit. D'accord. Alors, du coup, je vais revenir à une question un peu plus utopique. Est-ce qu'il faudrait pas supprimer le système un peu de frontières et tout ça? Genre, oui, t'as des gens qui fonctionnent en clan, voilà, ils parlent la même langue et tout ça, mais à côté, c'est pas grave. En fait, si c'est pas super bien défini. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc? Non, je pense que c'est bien, moi, en vrai. Non, c'est bien. Ouais, non, je suis bien. Super fermé, toi. Ouais, que ce soit fermé, parce que tu vois, regarde, tous les criminels, genre ceux qui sont fichés qui passent S, machin, etc., qui passent au travers. en c'est vrai, une sécu, quoi. C'est une, de ouais. un, c'est une sécurité. De deux, en soi, ils ont raison, puisque ben, du coup, ils mettent quand même... Mais il n'y a pas que des criminels, de toute façon, c'est pas une majorité. Mais il y en a. J'ai envie de poser la question à Mario de ce qu'elle en pense. Moi, personnellement, quand tu dis les fichiers S, excuse-moi, des fichiers S, je suis d'accord, mais la plupart des fichiers S, ils viennent d'où ? Ils ont été nés où ? En Belgique, en pays, dans les pays européens. Ouais. Oh, mais moi, je vois donc, même pas comment ça. Veux-tu, comment veux-tu oui. fermer les frontières ? Mais pourquoi tu te protèges les personnes ? C'est mieux. C'est surtout d'une manière générale, il n'y a pas de meilleure personne ailleurs ou de moins bonne personne ailleurs. Donc en fait, si tu t'envoies une personne malveillante dans le pays d'à côté ou une bonne personne dans le pays d'à côté. Il y a peu de chances qu'ils rentrent dans le moule aussi, de toute façon. Oui, mais. Alors les pourquoi frontières, tu protégerais pour une personne quoi une personne sur mille, enfin j'exagère, j'en sais rien. Mais les frontières, c'est comme tout, on va pas rentrer dans les débats, c'est des trucs, c'est politique, c'est des pays qui gèrent, il y a des dirigeants là derrière. Ça, on est d'accord que c'est politique, c'est pour ça que je parlais du Toby. Ça apporte à leur intérêt. Aujourd'hui, on donne beaucoup de valeur à l'Europe, donc du moment que tu as un passeport européen, tu le vois. Tu t'en sors pas trop mal. Tu vas à Paris, tu regardes, tu vois, il y a une file d'attente, il y a juste un poste où il y a un passeport. Qui est non européen, et t'as les passeports européens, t'as 6 barres, et c'est en automatique, t'as juste à passer, tu rentres. Tandis que les autres, ils sont en train de faire une file d'attente, ils n'ont pas de passeport français. C'est un choix, Bah, ceux qui n'ont pas de passeport français. Voilà. Donc, le passeport européen, au jour d'aujourd'hui, ça lance. C'est ouvert c'est à tout. C'est une facilité, c'est ce qu'il disait Hugues tout à l'heure. La suppression des frontières dans l'Europe, mais c'est fantastique. De pouvoir passer en Espagne, en Belgique, d'aller au bout de l'Europe. Mais oui, mais du coup, on est en train, entre guillemets, de les supprimer un petit peu. On les gomme un petit peu. Non, là. Dans l'Europe. C'est bien ce que j'ai dit, dans l'Europe. Bah, mais non, pourquoi pas l'agrandir après ? Alors, je suis désolé, mais c'est en train de revenir en arrière. Parce que regarde, l'Angleterre vient de sortir de l'Union Européenne. C'est un bordel, pas possible. Et là, ils sont en train d'essayer de comprendre comment gérer la question des migrants. Entre Calais et puis Douvres en face, en Angleterre, et on voit qu'ils s'en sortent pas. Galèrent, c'est la principale question à mon avis qui fait que ils auraient été encore dans l'Europe, ça aurait été autre chose, ça aurait été plus facile. Je sais pas, tu crois ? En termes de gestion. On aurait été avec eux, enfin, je sais pas. Parce que c'est l'Europe qui aurait aidé. Ils seront assemblés pour trouver un accord. Là, maintenant, ils sont pas d'accord. C'est ce qu'ils faisaient. Ils faisaient sous-traiter le problème des migrants à la France. Malheureusement, les visas, les frontières aujourd'hui. C'était qu'une suggestion utopique. Ce serait cool. Non, mais ouais, je sais pas. Moi, je me verrais bien, en fait, tu vois, marcher quelque part et bon, ok, je change, on va dire, de pays ou de quoi que ce soit, mais que ça soit pas déterminé par une frontière ou que ce soit, juste je vais dans un autre village, parce que je vais dans un autre village en fait. Il m'accueille, c'est bien. Il m'accueille pas, bon bah j'y vais pas. Hein. Tu sais, il y a une réflexion de Thomas Pesquet qui, lui, vu de l'espace. Il était dans un autre pays. Bah non, mais il a dit très clairement que c'est vrai que les frontières, c'est une invention de l'homme. Ouais. Quand tu regardes le monde vu de l'espace, très clairement, les frontières n'existent pas physiquement. Tu vois, moi, je ne construis pas un mur de. Enfin, remarque, il y en a qui. Oui, il y en a qui aiment bien construire des murs. Moi, je vois ça comme ça, effectivement, la nature. Il y a la muraille de Chine aussi qui a été faite pour délimiter la Chine d'un autre pays. Alors, c'était plutôt pour se défendre de base, c'était pour se défendre de base, mais maintenant ça forme une limite. Maintenant c'est un gruyère, alors c'est ça, c'est pas vraiment un mur. Il y en a qui font des meilleurs murs. Est-ce que je peux rajouter quelque chose? Bien sûr, sur les frontières. Alors, je voudrais juste décaler le sujet en fait sur un peu une réflexion philosophique sur la frontière, parce que la frontière c'est pas seulement quelque chose d'administratif, même si c'est ce à quoi on pense. Mais je pense que les hommes ont besoin de frontières parce qu'on s'y protège. Je pense que vous avez tous une maison avec une porte, par exemple. Oui. Donc, ça nous protège, ça fait notre chez-soi. Et personnellement, j'aime bien cette idée d'être invité et d'obtenir une permission pour aller quelque part et aussi d'avoir ce succès de passer une frontière. C'est notre démarche, en fait. Je suis totalement d'accord avec toi. D'être devant une barrière et de devoir... D'avoir le droit, en fait. Avoir le droit, pour avoir la chance et le privilège de passer... au-delà de cette barrière derrière laquelle il y a autre chose que je ne connais pas. Pour moi, c'est dans la réflexion philosophique de ce que c'est que la frontière. J'aime les frontières. Je n'aimerais pas qu'elles soient abolies parce qu'elles nous protègent les uns les autres. Elles nous permettent d'être nous aussi, d'avoir une identité, de dire « moi, je suis de ce côté-là, donc je suis un tel. Moi, je suis de l'autre côté, je suis un tel. » Ça ne veut pas dire qu'on se déteste, ça ne veut pas dire qu'on se bat. Mais ça veut dire qu'on se sépare pour pouvoir exister, pour avoir une identité. Et qu'en fait, il n'y a que quand on a soit chacun une identité qu'on peut faire une rencontre si on est tous pareils, si on est juste un mélange de. On s'ennuierait, oui, bah oui. Non, mais on a plus d'identité et donc on n'a plus rien à découvrir les uns des autres. Marie, est-ce que je peux te répondre en prenant un petit peu le problème dans l'autre sens? C'est que nous, en fait, j'ai l'impression qu'on est du bon côté de la frontière parce que si on pense à toutes les personnes qui viennent de pays en guerre, qui viennent de pays qui sont très défavorisés. Ouais. Je me dis, moi, la frontière, on sait tous, là, les slogans, les frontières tuent. Bah oui, c'est une réalité. Et se dire qu'on va garder la frontière, puis de venir que quand on est invité, ça me fait de la peine un petit peu pour toutes ces personnes que nous, la France, on n'invite personne, tu vois. Alors oui, on a invité quelques Ukrainiens. Mais pourtant, on prend plus de migrants que beaucoup d'autres pays. Je suis pas d'accord, c'est un autre débat. Ils sont plus proches... qui sont plus proches localement, on va dire géographiquement, des zones Oui, vu ce qu'on a fait enfin. Ouais, c'est un débat qui est très très long. J'ai bossé dans le domaine des migrants. Je voulais juste déplacer le débat. Oui, oui. Ouais, non, mais t'as raison. Sans parler de frontières, moi j'aime bien pouvoir effectivement avoir l'autorisation d'aller dans une autre ville parce qu'on a le droit, du coup, entre guillemets. Mais ouais, aller chez d'autres gens et me dire, ouais, t'as le droit de rentrer chez eux. Ouais, c'est cool. Ouais. Mais c'est un droit, tu vois. C'est un droit important. Là, vous parlez de débats sur les voyages et tout. Moi, par exemple, Mario, tu trouves ça normal que moi, quand j'arrive par exemple à la frontière marocaine, on me demande mes papiers, je transmets mon passeport et ma carte d'identité française. Et tu leur dis ciseaux. Et il me prend ma carte d'identité française, il me la redonne. Il m'a dit, j'ai rien à faire avec ça, tu dois avoir une carte nationalité marocaine d'identité. Ouais. Est-ce que c'est logique? Non, mais parce que c'est une frontière. Ouais. Mais t'es né en France, toi, on est d'accord? Je suis né en France, je suis français, je suis né en France. Mais dès l'instant que je suis reconnu, entre guillemets, qu'ils savent que je suis marocain... Je dois avoir une carte d'identité marocaine parce que s'il y a quoi que ce soit au Maroc, il y a pas de nationalité au Maroc. Oui. Non, c'est que au Maroc, s'il se passe quoi que ce soit, c'est la carte d'identité en fait marocaine qui prend le dessus. Si par exemple je fais une bêtise ou quoi, ou on m'arrête pour l'identité, t'es reconnu comme marocain avant tout. J'ai un copain français à côté de moi, il donne sa carte d'identité française, mais moi, ça marchera pas. Il faut que je donne la carte d'identité marocaine. D'accord. Si tu veux, je te donne la mienne. Parce qu'en France, on impose aussi d'avoir la carte de séjour, ceci, cela. Le gars, même s'il a la carte d'identité marocaine, ça ne marche pas. D'accord. On lui demande son visa. Un Marocain qui vient en touriste en France, on va pas lui demander sa carte d'identité. On va lui dire ton passeport avec le visa. Ah ouais. D'accord. Mmh. Ouais. Voilà. Donc, on me demande ma carte d'identité. Hein, donc, Voilà les problèmes de frontières, ce que ça amène les choses. Mmh. C'est pas de l'invitation ou. Ça peut poser des problèmes pour le coup. Pour certains. Ouais. Ce qui va pas poser de problème, c'est d'écouter de la bonne musique. Le titre Snap, alors je sais pas si vous avez suivi, normalement c'est passé à l'Eurovision de Rosaline. Elle est bien cette musique, moi j'aime bien. C'est vrai ? Allez, elle est pour toi. Bien. Écoute, là c'est Emine. Elle est super bien. C'est Emine qui la reprend. Tu vas voir si t'aimes ou pas. Musique de rupture. Je confirme. C'est pour ça que t'aimes bien alors. Indestar. Un nouveau collège en construction, un nouveau pas vers l'éducation. Bâti en panneaux de béton armé et tôles amiantées, il devrait permettre aux futurs élèves de respirer le sérieux de leurs études qui les mènera jusqu'à l'obtention de leur BEPC. Oui, enfin ça, c'était le projet initial. Depuis, ça a mal tourné. Des profs chelous, des élèves dissipés qui, on pourrait le croire, concourent à la plus mauvaise moyenne dans des matières qui parfois sortent totalement du cadre de l'éducation nationale. La classe, c'est à vivre mercredi dès 19h sur Indestar. Vous allez aimer retourner au collège. Indestar, là où tout commence. Là où tout commence. Je me présente, je m'appelle Henri. Je voudrais bien réussir ma vie, être aimé et avoir la carrière de balavoine. Je chante dans ma chambre, j'enregistre, je fais écouter aux copains, ils aiment bien, mais j'aimerais aller plus loin. Tu sais que c'est possible? Ah, et comment ça? En envoyant tes prods à indestar@live.fr ou en MP sur Facebook. On écoute, on te répond et on peut t'annoncer ton premier passage radio sur Indestar. Là où tout commence, même pour toi. Encore, je voudrais que ces souvenirs s'effacent, mais rien ne passe. Ils disent tous tu feras, tu n'auras qu'à claquer des doigts. comme si ne plus jamais penser à toi ne tenait qu'à ça. Il n'y a que le temps, je crois. Je craque une et deux fois, mais je te vois pas. Dans mon cœur, tu es là. Je craque trois et quatre fois, je n'ai plus besoin de toi. De mon cœur, tu t'en vas. Craquer, je veux pas. J'écris une chanson. Ce sera la dernière. Je l'ai compris. J'ai déjà dit ça hier. Ça fait quelques mois que j'ai le cœur en feu. Et j'ai passé des nuits sous la pluie pour l'éteindre un peu. Je craque une et deux fois, mais je te vois pas. Dans mon cœur, tu es là. Je craque trois et quatre fois, je n'ai plus besoin de toi. De mon cœur, tu t'en vas. Les spéciales du vendredi soir, c'est chaque vendredi dès 21h sur Indestar. Vous êtes sur Indestar, et puis on va continuer donc de débattre, mais Teddy, est-ce que tu peux nous rappeler comment on trouve nos... Si, moi je veux savoir comment on fait pour écouter les podcasts. Alors si tu veux pas nous trouver, il faut surtout pas que tu ailles sur indestar.fr. Ah c'est ça. Faut pas que tu ailles sur ton site de plateforme préférée, que tu tapes Indestar ou les noms des émissions. C'est bizarre à l'envers comme ça, en négation. Ouais, ouais, vas-y, c'est très étrange. J'essaye des nouveaux trucs. Mais par contre, si vous faut pas que tu le fasses en tout cas. Faut marquer l'inverse que de ce que tu viens de dire. Non. Si tu veux pas nous écouter, si tu veux pas nous écouter, tu vas pas sur Spotify, Deezer et tout ça. Tu n'y vas pas. Non, mais alors, on va remettre les choses dans l'ordre parce que là, ils vont plus rien comprendre, nos auditeurs. Allez sur indestar.fr, c'est plus simple. Ah, on est d'accord. Là, vous avez toutes les émissions. Vous avez tout ce qu'il faut, voilà. Ouais, c'est pas faux. Bon bah, ok. Alors, pour la suite, moi, j'ai envie de parler de est-ce que vous préférez faire des longs voyages, des voyages un peu plus courts. Est-ce que les road trips c'est cool ou quelque chose de plus sédentaire, un peu, on reste un peu plus longtemps. On en revient à la question de comment tu voyages en fonction de la période dont tu pars. Après, c'est beaucoup de choses. Ça peut être aussi le budget, ça peut être plein de choses. Bien sûr. Qui non, mais oui, déjà le budget effectivement détermine souvent combien de temps tu vas partir. Mais bon, après ça dépend parce que si tu pars pour travailler ou quoi que ce soit, c'est une autre démarche. Ouais, mais là, on va parler de voyage plaisir entre guillemets, de découverte et tout ça. Est-ce que tu pars pour plusieurs mois? Voilà. Donc tu vas vivre un petit peu quand même là-bas. C'est un choix, du coup tu as besoin de faire quelque chose de concret. Enfin, tu t'y restes quoi. Bah, je pense. Ou du coup tu fais un road trip, donc tu navigues dans un endroit. Ou alors oui, effectivement, t'as le road trip, voilà. Donc qui consiste à se balader dans tout le pays en étant sur la route, en étant en itinérance. Au feeling un peu comme Théo, je pense. Alors, t'as au feeling ou prédéfini aussi. Hein, t'as avec plein des de styles. Bons gros V12. Des bons gros V12. Ouais. Ça, Théo valide, j'imagine. Avec sa petite Honda. T'as ça, et t'as aussi les voyages assez courts au final où tu pars une semaine, t'as pas trop un week-end. Choix, ouais, voilà. Tu enfin, mets week-end, ça un petit peu dans ton voyage. Tu l'intègres un peu à ton planning. C'est sympa, mais c'est court. Quoi. Un petit 4L. Et du coup, tu dois blinder de. Enfin, tu te blindes de trucs pour essayer de tout faire en même temps, alors qu'au final. Mais c'est pas forcément bon, bien. On va prendre vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous avez. Anas, voilà. Toi, t'es plutôt quel type de voyageur? Moi, l'aventure. Road trip. Tu voyages longtemps quand non, tu pars? Pas vraiment road trip. Road trip à pied? Moi j'aime bien, c'est plutôt visiter à l'aventure comme ça, comme Marie-Aude quoi. Chez l'habitant un peu? Chez les habitants, ouais. Moi c'est vraiment à l'arrache. Visiter les pays, mais ça m'intéresse pas d'aller dans les trucs organisés. Tu pars longtemps quand tu pars ou tu pars Généralement, ouais, je pars. Moi, quand je pars, en général, c'est un mois, à pratiquement trois semaines. Ouais, un mois. Tu rigoles pas, toi? Non, trois semaines à moi. Donc, on pourrait dire que c'est presque pas un road trip, mais ouais. C'est vrai que je le faisais beaucoup avant. Bon. Maintenant, c'est vrai que depuis 13 ans, je fais qu'un pays pour le moment. Donc, auparavant, je bougeais pas mal. Auparavant, ouais. Mais maintenant, bon. Bon, tu vas au Maghreb, quoi, en gros. Bah, depuis que j'ai investi, oui. Maintenant, ah, c'est... tu nous dis ah, pas je croyais que c'est depuis que t'avais des enfants. Bah, ça y joue aussi. Aussi, hein, aussi coup, on est d'accord. Aussi, du coup, hein. Anas, du coup, t'as. On bouge beaucoup moins. Anas, t'as un riad, du coup, c'est ça? Non, une maison. Ah, d'accord, ok. Non. Ouais. Attends, en fait, parlez pas trop de trucs que je connais pas. C'est quoi un riad? C'est une maison. Attends, tu peux dire maison. Oui, mais nous, les maisons, c'est en fait, c'est pas comme ici. Ici, vous, les, ce qu'on appelle les maisons, c'est un la étage, villa, ou... un ouais, étage ouais. Avec un toit. Ouais, c'est pas pareil ça, c'est là-bas. C'est une maison, c'est un appart. Là-bas, là-bas, une maison, c'est en fait, on a l'équivalent d'un immeuble. C'est un immeuble. Avec un trou au ça centre. Ça appartient à une personne. Ouais. Ouais, un centre au fond. Alors ça se faisait beaucoup avant. Ouais. Avec maintenant, une petite fontaine. Maintenant, ça fait ou... moi. Maintenant, c'est plus. T'as Linda maisons... place tous les mots qu'elle connaît. Non, non, elle a raison. Elle non, a raison. Je dis pas le contraire. Non, parce que j'avais des projets il y a très longtemps, donc c'est pour ça que je connais un petit peu. En gros, il y a une personne c'est qui a un immeuble et il te vend des étages, quoi. Non, mais tu t'achètes tout en fait. Quand tu achètes ta maison, c'est directement, tu as ta maison. Pour une maison, c'est vraiment. C'est plusieurs étages. Plusieurs étages et tu peux en monter comme tu veux. Et même c'est tu peux vivre sur le toit, même, oui. Puisqu'il y a un toit plat. Donc, tout à fait. Voilà. Ouais, mais c'est normal ça. Non, c'est pas normal, t'as pas ça. Ici, c'est pas aussi fréquent en fait. Si, si tu achètes ta maison, tu peux construire au-dessus, tu peux construire non, sur le toit. Non, mais là, c'est un toit plat, tu peux vivre tu peux en dessus. Un immeuble, oui. Tu peux aller au-dessus. Oui, alors oui, ok, dans le concept de la maison, oui, nous, effectivement, c'est souvent quatre murs, un toit en triangle, on va dire. Là, effectivement, eux, c'est des toits plats. Avec des combats ménageables au pire. C'est ouais, ce ouais voilà, oui. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, il y a cette petite différence-là, effectivement. Mais la raison, c'est peut-être le climat. Peut-être que ces maisons sont faites pour ça, par rapport non, au climat. Peut-être que c'est... Non, c'est culturel. Non, c'est... Ils n'ont pas de toit penché. Non, c'était bah, au Maroc, c'est le problème. C'est... Ça se fait comme ça, de toute façon. Oui, en termes de famille, il y avait beaucoup les familles. Du coup, les frères et sœurs, quand ils se mariaient, ils vivaient aussi, ils prenaient chacun... Un étage ouais, ah ouais en fait, dans des grosses baraques enfin des ouais. En fait c'est depuis moi j'étais pas né à ce moment-là hein, ça date d'il y a longtemps. C'est qu'en général c'est que les parents quand ils achètent ils font un étage pour chaque enfant. Ah génial cool. Et chaque étage appartient à un enfant. Oh c'est top. Ouais. Et... C'est du coup t'as fait pareil pour ta famille j'ai refait pareil. T'as un étage pour chaque enfant. J'ai leur étage à chacun. C'est génial. Ça, c'est cool. Bah, oh. C'est suivi hein, c'est classe. C'est la. Ok. C'est comme ça chez nous. D'accord. Bon, bah, moi je vais voir des photos hein, parce que là, si vous tu êtes, m'as mis l'eau à la bouche. Hein. Si vous nous suivez en direct sur Twitch, vous venez de voir un changement de lumière dans le studio. Nous avons des trucs qui se pètent la gueule c'est ici. La déco c'est... qui tombe, mais tout va bien. Je sais pas si c'est la maison qui est pourrie, mais bon, Indestar, effectivement, c'est. Ça agresse les c'est pas yeux, ouf. Hein. Du coup, alors moi je voudrais avoir l'avis de Théo parce que je sais que c'est un voyageur. T'as fait même pas dans l'ordre quoi. Non, si, si, avec sa petite 4L. Si, si, il voyage beaucoup donc toi. J'ai pas des conseils. Donne-nous une histoire, une anecdote, quelque chose sur tes road trips à toi. Quelle était la question exacte? Eh ben en fait, on voudrait parler des road trips ou des voyages sédentaires, ou plutôt des voyages courts ou longs. Oui. Alors j'ai fait les deux. J'ai fait les deux. Après, j'ai une grande préférence effectivement pour les road trips parce qu'il y a une plein de choses déjà. Et parce que on voyage et on roule en voiture et que j'aime bien conduire. Voilà. Donc mon idée c'est ok, on va là, d'accord. Mais alors quelle est la plus belle route pour y aller? Tu vois forcément. Mais en passant par les petites routes, tu vois aussi différents paysages. J'ai horreur des autoroutes par exemple, mais des différents paysages, différents villages et tout ça, et tu as de la découverte et t'as surtout la possibilité, ce que je disais tout à l'heure, de pouvoir t'arrêter plus ou moins longtemps selon si ça te plaît ou pas. Une petite anecdote tout à l'heure pour rebondir avec ce qu'on disait sur ce que c'est disait Anas bondir, hein, sur la façon dont on pouvait apprécier un pays en fonction de qui on rencontre et de l'expérience qu'on vit. Ouais. La première fois que je suis allé au Portugal, c'était avec mes parents, je crois que ça date de 96. Alors c'était pas c'était 15 ans après la fin du régime totalitaire portugais, donc c'était encore en reconstruction, mais je suis allé du côté de Porto et dans une location qui était une maison qui était comment dire très sale, ça sentait le chou et puis l'environnement n'était pas spécialement sympa. Du coup le premier avis que j'ai eu du Portugal forcément c'était assez négatif et quand j'y suis retourné plus tard en 2009 j'ai eu une toute autre expérience. Il n'a pas eu le choix. Non, mais il y a plusieurs personnes qui m'ont dit oui, faudrait que tu retournes au Portugal, etc. Parce que c'est un super pour pays. Un c'était aussi pour un Afrique. Voilà, mais c'est pas ça que je voulais entendre. Pas que. Il nous dit pas tout. Et en fait, mon expérience du Portugal a été tout autre. Ouais. Et je me suis mis à apprécier ce pays. Donc voilà, en fait, je pense que la manière dont on vit les choses, et quand on a réservé une maison, une location quelque part, et que c'est pendant toute la semaine, bah, on a du mal finalement, même si mon père a fait une semaine de ménage et essayé de la rendre propre, tu vois. C'était pas bien. Au final, l'expérience, ouais. Elle t'es pas ouf, ouais. Donc au moins le road trip permet de profiter au maximum de son voyage et de se dire bah, si on n'est pas bien là, puis on tu gères toutes bien les les caractéristiques du truc, quoi. Ton confort, tout ça, tu l'as géré d'avance. Oui. Tu sais où tu vas, quoi. Ah bah tu sais où tu vas, parce que ce que je disais, c'est que effectivement, j'ai mon petit chez moi. Alors c'est un petit chez moi. Oui, mais tu le connais et tu l'adaptes à ta manière. Mais quoi. Je sais ce que je vais trouver. C'est ça. Alors j'ai pas de bonne surprise, si tu veux, parce que je sais ce que tu je vais trouver. Où tu vas, ouais. Mais j'ai pas de mauvaise surprise. C'est ça. Voilà. Et c'est important. T'es sûr? Bah à part si la voiture me lâche, évidemment. Voilà, ça c'est une autre histoire. Ça va. Ah, on a prévu ça. Oui. Pascal, toi au niveau voyage, t'es plutôt long voyage, court voyage, road trip? Non, en vrai, je sais pas. Tu voyages pas trop peut-être? Non, ouais. Moi j'ai jamais été en voyage. Je suis comme toi. Jamais. J'ai déjà pris l'avion pour faire Paris-Perpignan. D'accord. Mais c'est tout. T'aimes bien Perpignan? J'étais petit. Non, il n'y avait pas le choix. J'allais à Collioure au bord de la mer. Franchement, c'est une belle ville. Collioure, c'est une belle ville, mais c'est trop touristique. C'est trop bien. C'est un piège à touristes en fait. Ouais, mais c'est le seul endroit où je suis allé vraiment genre en mode voyage, tu vois. Après, je suis déjà allé à Nantes, machin, enfin. Ouais. En France, mais à l'étranger, non. Genre, ah ouais, je te comprends. Moi, à part aussi, l'Espagne, pas trop mais vraiment la frontière, quoi. Tu vois, j'ai pas été. Ouais. D'accord. Voilà. Mais je t'avoue, moi non plus, j'ai pas beaucoup voyagé. J'étais une fois dans un autre pays, c'est en Italie, et encore c'était voyage scolaire, hein, donc attention. Hein, Je sors pas de chez moi en Oise, dans le centre Val-de-Loire. André, t'as quelque chose à nous raconter? Je veux que tu m'entendes, André. C'est moi qui décide. Mon avis. Oh, ah mais si. Allez, regarde, je coupe au micro. Non. Attends, André. Bon, je vais pas vexer Teddy. On va écouter Teddy. Après, ça sera. Non, on l'écoute pas. Si. Non, mais alors les dames d'abord. Tiens, regarde. Tu vois, si tu m'écoutes pas, c'est qui qui a le pouvoir? C'est moi qui ai les boutons. Ne l'oublie pas. Donc oui, ce que je voulais dire, c'est que moi, je suis plutôt un peu comme Anas. J'aime bien le voyage. Ouais. Alors habiter chez les gens, je sais pas, mais parce que moi je dors dehors. Tu t'adaptes, toi? Ouais. Ouais. Alors peut-être à moins 40, j'aurai un peu plus de mal, oui, j'avoue. Oui, oui. Genre, je meurs, mais. Forcément. J'aime bien l'aventure comme ça, l'aventure un peu sauvage, découvrir des choses et tout, rencontrer des gens. Bon, je suis peut-être pas très sociable non plus, mais bon. Mais alors là, la question, c'était road trip, sédentaire, long, court. C'était plus ça en fait. Alors, là, on est sur l'autre question. Il a jamais voyagé, donc du coup, mais voilà. Il a peut-être une envie ou un désir. Ce que je veux dire, c'est une aventure. Donc une aventure, c'est souvent un road trip. D'accord. Parce que je suis désolé, à partir du moment où tu passes même 4 mois dans la même maison. Ouais. C'est pas vraiment une aventure. Non, hein, c'est sédentaire du coup. Voilà, c'est une aventure sans être une aventure. Mais bon, une aventure pour moi, c'est quelque chose où c'est tu te déplaces. C'est court quand même finalement. C'est assez court finalement. Ça peut durer, mais pas 4 mois, ça dépend, quoi, tu vois. Ça dépend effectivement. Parce que t'as des road trips qui durent. Il y en a qui font le tour du monde en road trip. Il y en a qui font. Oui, mais ils restent pas au même endroit. La région. Faut vraiment bouger. Ah bah, le principe des road trips pour moi, c'est de te déplacer tout le temps en fait. Ouais, tu bouges, tu voilà. Mais du coup, tu l'as fait avec monsieur Théo. T'as déjà eu cette expérience? Ouais, c'est vrai, j'ai déjà fait des road trips. Ça t'a plu? In France. Ouais, c'était marrant. Sauf quand ça tombe en panne. Mais on revient toujours sur le même sujet. J'aime bien rajouter un petit peu. Mais ouais, je trouve ça c'est cool en vrai de se balader. On a eu pas de V12. Hein. Non, mais on arrivera bien à partir. V2. On arrivera bien à partir au Portugal un jour. Peut-être qu'un jour on partira au Portugal. Mais bon, j'aime bien les road trips. André, vas-y, c'est à toi. Oui, bah moi je suis un peu pareil. Je fais que des road trips en fait. Quoi? Bah oui. Bah raconte-nous. T'avais pas loué une maison au Portugal toi? Alors, non, mais on avait la voiture, mais on dormait plusieurs jours sur place dans différentes villes. Mais nous, on n'a pas resté à une ville pendant 15 jours. On a fait Porto, Lisbonne. A loué un hôtel d'un autre hôtel. Je sais plus, Lagos. Enfin, on a fait plein de villages. En fait, dès qu'on passait à un endroit qu'on aimait bien, on y restait pendant quelques jours. Et après, on allait ailleurs, quoi. Ouais. D'accord. Par exemple, en Suisse, j'ai fait la même chose. Mais c'est vrai que nous, on dormait dans des Airbnb. Ils ont la liberté de droite. Il y avait quand même des gens, hein, mais à des moments, on était avec les personnes, donc les propriétaires de Airbnb. Donc du coup, on essayait de parler. Je ne parle pas forcément portugais ni anglais, mais bon, on parlait comme on pouvait. Mais c'est vrai que j'aime bien les Airbnb pour dormir. Après, j'aime bien me déplacer en road trip en voiture, j'aime bien aussi. Elle a la liberté de droite, elle peut se déplacer d'un point A à un point B, mais en payant la blinde. Non, mais ça dépend, mais c'est vrai que j'aime bien avoir mon petit confort. J'aime bien avoir ma petite. Tiens, c'est comme un côté ou quoi, tel ton confort, quoi. Ouais. Ah, c'est pas le même confort encore. Il y a un fossé entre les deux. Après, dormir chez les gens, ça me dérange pas, j'ai déjà fait. Et au contraire, moi, j'aime bien, par exemple, moi, culinairement, comme on disait tout à l'heure, je suis difficile. En Pologne, j'ai kiffé manger. Hein. Parce que ça te correspondait. Faut pas chercher. J'ai adoré leur cuisine. Hein, et c'était fait maison là-bas et tout. J'ai adoré, quoi. Ah ouais. Mais ici aussi, ça peut être fait maison. C'est juste qu'il faut le faire. C'est pas pareil. C'est juste qu'on a un peu la flemme. C'était d'autres goûts et j'ai goûté. C'est tout. C'est fait par des autres. J'ai adoré, moi. C'est ça. Hugues, est-ce que tu peux nous dire t'as un sentiment sur ça? T'as une. Une réponse alors, plutôt. Ouais. Je voulais rebondir par rapport à ce que tu disais. Tu vois, si, on des reste, si on reste, moi je suis resté 4 ans dans la même ville au Québec, et pourtant j'ai l'impression d'avoir fait un voyage. C'est vraiment. Donc t'as kiffé tout le long, quoi. Mais c'était ta base. Après t'es parti ailleurs. Exactement. C'était ma base. Voilà. Et après tu rayonnes. Alors dans de la, dans une région qui est peut-être grande comme la Bretagne, c'est pas immense, mais il y avait tellement de choses à découvrir que finalement ça a pris du temps finalement. Bah oui, ça prend du temps. Rien que rencontrer les gens, c'est infini. Hein. J'aurais pu y rester des années. Après maintenant, je suis plus en mode road trip et moi je me déplace à vélo et un petit peu. Ah ouais. Ouais, à vélo, ça coche la tente. Et puis ce qui est bien, c'est que tu t'arrêtes quand tu veux. Si t'as envie de bifurquer, t'y vas. Si tu rencontres quelqu'un et que tu veux rester un peu plus longtemps avec lui, tu t'as pas de pression. C'était quoi, pas la vraie liberté. Non, y a pas de pression. Ouais, ça c'est la liberté. Tu prends dans le train si t'as envie de speeder un peu. Non, c'est cool. C'est carrément cool. C'est... Moi j'aime bien cette notion. Je trouve qu'on la perd de plus en plus. Mais la notion de liberté dans tout ce qu'on fait, ça devient rare de nos jours. Donc bon, faut en profiter. Kiki. Moi, non, ce sera Kiki maintenant. Moi, je préfère un peu les road trips, même c'est si je suis plus sédentaire quand je voyage. T'as le permis depuis quand, toi? Rappelle-le-moi. Non, il est suiveur. J'ai le permis vélo. Et le permis train. Mais attendez, l'idée lui plaît. Après, il a pas dit qu'il avait fait. Faut savoir une chose. Kylian, t'as 14 ans. J'ai 14 ans. Donc, oui. Et t'as déjà beaucoup voyagé. Bien plus que moi, déjà, à son âge. J'ai beaucoup plus voyagé que toi. Ouais, d'accord. Voilà, donc c'est déjà chapeau. Mais oui, du coup, tu aimes bien les road trips. Ouais. Je préfère voyager en road trip, me balader beaucoup plus, aller là où tu veux, en fait. C'est ça. Et ça doit être lourd. C'est la liberté. Non, bah, il dépend des transports. Non, tu suis. Il faut la musique pour aller avec. Ouais. D'accord. T'es pas malade de transport. Il contredit pas. Sans musique, je suis malade, par contre. Ah oui. Ah voilà. Il faut la musique, c'est le remède. Je suis pas sûr que ce soit le remède à tout le monde, hein, parce que Théo et moi, par exemple, on est malade de transport. Je peux te dire que musique ou pas, si on Théo, il est pas malade si t'as de la bonne musique. Je t'assure qu'il y a essayé de la bonne musique. Il faut du Anafri pour Théo. Oui, et s'il conduit aussi, c'est vrai que ça change. Il faut du Anafri pour Théo. Moi, ça, les transports, ça dépend. L'avion, c'est un peu compliqué. Le train à l'envers aussi. Non, en général, je prends le train et j'ai toujours mes places dos à la conduite, quoi. Tu vois, avec la petite musique. Avec le sujet road trip, c'est l'enfer. Ah oui, tu préfères quoi? Gros voyage? En vrai, j'ai pas fait de road trip en fait. Mais peut-être que Théo m'amènera un jour. C'est peut-être ce qui te tente le plus. Ou est-ce que c'est le voyage? La prochaine destination, Portugal. Non, mais après, j'aimerais bien me caler dans un pays et vraiment vivre tout quoi, à fond quoi, tu vois, le connaître à fond. Tu m'invites au Maghreb, moi je viens. Carrément. Moi je veux bien aussi. Hein. Tout le Portugal. moi je veux que ça soit vegan. Salam alaykoum, ma soeur. Allez, vas-y, rentre chez toi. Vas-y, on recommence les mauvaises conneries. Ce que je voulais dire, c'est que quoi qu'il arrive, de toute manière, quand tu pars et que tu fais des longs trajets, t'as besoin de t'occuper ou de faire quelque chose. Ouais. Alors, il y en a, c'est mater des films, regarder des séries, mais il y en a qui sont malades. Et toi, tu t'occupes comment? Moi, j'écoute de la musique, voyons, évidemment. Évidemment. J'écoute Indestar, évidemment. C'est super bien, Indestar. Il dort, effectivement, comme il a dit. C'est qu'il dort tout le voyage. Ouais, c'est clair, je dors en voyage. Et Teddy, tu n'aurais pas de musique à nous proposer, là? Bien sûr que si, j'ai PV Nova, UN et Clara Doxal sur Indestar. Ok. Lately, got a feeling like it's way too much for you and I. Just came up with an idea, I can wait one more day. Got a feeling like it's about time for you and I. Wanna fall apart, break into pieces. Wanna go away, you know that I can stay. On the way, I didn't know what what to say. Got a feeling like it's way too much for you and I. Wanna fall apart, break into pieces. Wanna go away, you know that I can stay. But when you look at me like that, it's like heaven and even better. And when you talk to me like that, spécial du vendredi soir, c'est sur Indestar. Et oui, vous êtes sur Indestar et on va continuer de débattre parce que le vendredi, c'est débat. Bah oui, on débat et là le thème c'est le un voyage. Sur deux le débat. Non, oui, c'est un bah bon... après on quoi bah c'est on est là souvent quand même, hein. C'est vrai qu'on est oui, ouais, c'est un peu vrai. Trop à mon goût, hein. Non, on n'est pas trop, on est bien. On est bien sur Indestar. Ah ouais. Ouais. Et bah tu vois, si t'es pas bien, tu peux toujours nous écouter en podcast. Ah ouais, voilà, et on fait ça. Comment et si tu veux je sais pas, tu vas sur Indestar.fr. Ah ouais. Indestar.fr. Mais non, arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Et ça, c'est si tu veux pas nous écouter. Tu n'y vas pas, bah oui, c'est logique. Mais non, mais tout le monde veut nous écouter, arrêtez les gars. Ah ouais. Et moi, je me suis. Enfin, on s'est posé une question. Est-ce qu'il faudrait pas un langage universel, mais autre que parler anglais ou quoi? Peut-être. C'est pas universel l'anglais, je suis désolé. Non, mais parce que tout à l'heure, j'en ai parlé en cet univers et je suis. Je non mais on en a parlé en off et... mais moi non plus je parle pas anglais justement ouais. Je vais m'y mettre d'ailleurs parce que ça me paraît important. Si tu veux voyager aujourd'hui t'as ça comme alors, solution. Alors attends en fait, on va parler des langages des signes, ça marche bien. Attendez oui c'est on va ça, parler mais... langage universel plus complexe ça effectivement un langage pour tous ouais. Pas un langage qui existe déjà que t'imposerais à tout le monde hein. On va éviter ça déjà parce que bon on sait ce que ça donne quand t'imposes des choses dans d'autres pays dans d'autres nations mais oui un langage que tout le monde pourrait comprendre. Et oui, il en existe déjà en soi, le Google langage des traduction. Signes. Google Trad. Aussi, c'est vrai. C'est pas langage. Google alors, Traduction. Ça marche qu'à c'est moitié. Vrai, c'est vrai. Une solution. Ça mais marche qu'à moitié. Google Trad ou... Non, non, je suis désolé, ça marche qu'à moitié. C'est pas fiable. Google Translate aussi. Ouais, non, ChatGPT peut-être. Non. Mais non, non, je sais pas. Reverso. Mais oui, un langage universel, qu'est-ce que vous en penseriez? Est-ce que ça serait une bonne idée ou une pas une langue que tout le monde apprend ouais. Hein un truc simple à apprendre parce que tu sais moi j'ai cherché du coup c'est et apparemment il y a, apprendre, y a déjà un façon. Langage universel qui est peut-être pas très utilisé. Anas il me fait non surtout pas je voulais commencer par lui bah tant pis Pascal ouais. J'étais en train ouais, de parler mais tu m'écoutes pas tu en fait coupé. Elle était en train de dire quelque chose ouais. Ouais. Non, t'es méchant toi j'écoutais pas ah bah pas écouté tout à l'heure c'est quoi cette équipe oh là là alors moi j'ai cherché j'ai trouvé l'espéranto c'est une langue construite créée en 19e siècle qui est conçue pour être facile à apprendre et à comprendre pour les gens voilà de tous les gens quoi. Alors le problème c'est que personne ne l'utilise. Oui. Et ça donne quoi ça coup, donne, c'est inspiré de la langue latine en fait, ouais. C'est des origines latines. Ouais. Donc bah déjà c'est un petit peu orienté. Bah ouais, ouais mais oui, mais t'es obligé. Oui, t'es obligé. Mais alors là si on veut parler de langue universelle, moi je vais tout de suite dire oui, l'anglais quoi. Voilà. Ouais, forcément. En fait, l'anglais c'est l'une des langues les plus connues et les plus simples à apprendre. Simple, c'est un grand mot. Moi j'arrive alors, pas hein. Je les connais pas les verbes irréguliers, hein, je te présente. Si tu veux, je te ramène ma prof. Moi pendant la classe j'ai triché. Elle va te frapper. Alors anglais, moi ce que je veux dire c'est que les jeunes ils ont plus facilité. À mon âge c'est compliqué de se remettre dans l'anglais par exemple. Tu vois ah je sais pas. Après, bah, a, t'as pas mon âge donc tu peux pas cours, savoir. On oui, a bon. Des cours d'anglais assez régulièrement c'est pour ah ça. Ouais. Ce que t'apprends à l'école c'est pas ce que t'apprends oui, par exemple quand t'es en Angleterre ou un truc comme ça. C'est vrai c'est ouais. Vrai. C'est comme l'arabe, le français, l'anglais, tout ça. En fait tu apprends beaucoup plus vite quand tu es dans le pays. C'est ça. C'est ça. Ça va être beaucoup plus simple parce que en fait ça a rien à voir avec l'école. Ouais. Ça va être beaucoup plus ouais. Facile à apprendre. Ah, on a quelqu'un qui on nous a appelle. Un appel. Je l'ai peut-être raté deux fois cet appel. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Salut. Bonsoir à tous. Bonsoir. Qui es-tu, jeune auditeur Jeune homme. Tu me connais à force. Je te connais. C'est un jeune homme. T'as pas reconnu la voix. Bah non. Lutherbach. Parce que je n'ai pas de mémoire. C'est un jeune papa. Oui, bien sûr, le papa de Kiki. Voilà, le papa du Kiki. Alors non, donc ouais, j'ai appelé pour vous raconter mes meilleurs voyages. Ah. Oh, ça nous intéresse. Oui, ce soir, on parle de voyage, a priori. A priori, bien sûr, oui. Oui, tout là, à ça fait. Reste cohérent. Alors, mes meilleurs voyages, je vais vous les raconter. Comme je disais au début de l'émission, moi, j'ai fait l'Europe en stop. Ouais. Oui, ouais. C'est vrai, oui. Alors l'Europe en stop, ça a été magique pour moi, parce que moi je suis parti en fait, je me suis engueulé un jour avec ma mère, et je suis parti du jour au lendemain chez une copine qui habitait à Piccadilly Circus. D'accord. À Londres. Ouais. J'ai passé 3 mois là-bas, j'ai bossé à Londres, j'ai mis un petit peu d'argent de côté, et puis je tombe sur un mec au Hard Rock Café que je connaissais depuis 10 ans, et qui est en fait devenu le patron des cafés des Hard Rock Café d'Europe. D'accord. Et qui m'a permis en fait de faire le tour de l'Europe. Alors attends, je vais revenir sur ça. C'est quoi un Hard Rock Café? Parce que c'est un café où tu fais du rock. C'est connu, t'as dit ça. Comment ça, c'est connu? Je vois pas de café. Je sais pas ce que c'est du tout. Le Hard Rock Café, c'est la mec des cafés. Mais je bois pas de café. Mais non, mais c'est pas du café. T'as dit c'est le nom. C'est une chaîne. Calmez-vous. C'est une chaîne de radio, si je me trompe pas. Je connais Starbucks à la rigueur. Alors, à la base, comment dire, le Hard Rock Café. Il y a quelqu'un que j'ai entendu dire, c'est une chaîne de radio. Ah, c'est ton fils. C'est moi, papa. Bien, fiston. il a raison. Ah ouais. En fait, à l'époque, c'était une chaîne de radio américaine. D'accord. Et en fait, ils ont monté une chaîne de café. Et cette chaîne de café, en fait, s'est déployée dans le monde entier. D'accord. Ce qui fait que tu as des Hard Rock Café partout dans le monde. T'en as à Las Vegas, t'en as partout, etc. Et en fait, moi, j'ai eu la chance de tomber sur un pote à moi que je connaissais depuis l'enfance et qui était directeur des Hard Rock Café Europe. D'accord. Et du coup, t'as fait tous les Hard Rock Café. Et en fait, il m'a dit, tu fais le tour d'Europe. D'accord. Tu fais comme tu veux, au rythme que tu veux. Tu travailles une semaine là, une semaine là, une semaine là. J'envoie un mail à tous mes patrons de café. Et au final, ce qui m'a permis en fait de payer mon voyage. C'est le Hard Rock Café. Excellent. C'est bien ça. Ça, c'est cool. Ouais, c'est. D'accord. Et du coup, du côté radio ou du côté café? Parce que je suis perdu là. Côté café. Ah d'accord. Ça c'est le côté woofing qu'on appelle. Woof. Ouais. Ouais. Tu vas. Non mais tu vas travailler. Tu travailles dans un pays, tu connais pas la langue, tu connais personne, et au final, comme que j'ai entendu dire, il y avait beaucoup d'histoires de religion, de voile, de machin, d'adaptation au pays. Mais en fait c'est pas ça. C'est les gens t'acceptent tel que tu es. Et je pense que c'est la meilleure description qu'on puisse faire dans les voyages, c'est qu'on soit français, qu'on soit algérien, machin, enfin je sais pas, autrichien, norvégien. Peu importe. Peu importe. Si t'as ton cœur qui est ouvert. Ça parlait du cœur. J'allais dire surtout pas espagnol, mais bon. Si ton cœur est ouvert, ça se passe toujours bien en fait. Si ton cœur est ouvert, les gens ils vont t'ouvrir leur porte. C'est ça. D'accord. Et à partir du moment où tu es là et que tu peux voyager et que tu peux te permettre de le faire, moi je le conseille à tout le monde, c'est de partir 1, 2, 3, 4 mois, voire même 6 mois dans un pays étranger. Mais même un pays qui est juste à côté de la France, vous allez en Autriche, en Suisse ou quoi que ce soit, c'est pas grave. Mais allez voir l'étranger. L'étranger, Altaïr, comme l'a dit, l'Autriche c'est magnifique. Ouais. Moi je suis arrivé par exemple en Slovaquie, je suis arrivé dans un Hard Rock Café, dans un patelin où t'avais peut-être 15 000 habitants. Le Hard Rock Café il avait rien à foutre là parce que c'était pas dans le même monde quoi. Ouais. Et en fait on était juste à côté du château de Dracula quoi. Ah ouais, excellent. Oh. Donc tu vois, c'était plein d'histoires comme donc, ça. Donc cet endroit, c'était très touristique, semaine, non tu prends le temps de découvrir la destination où tu es. Mmh. D'accord. Ouais. Et par contre, je peux aussi vous raconter mon pire voyage. Ah bah oui, dis-nous. Alors mon pire voyage, c'était un voyage de travail. Un voyage de travail, c'est-à-dire que je suis parti. Je travaillais à l'époque chez Dupont. C'est une grande marque américaine de voitures. Ils font des voitures, ils font énormément de choses. Ouais. D'accord. Et cette marque américaine, à l'époque, je travaillais chez eux dans une usine de peinture. J'étais agent de maintenance. Et puis, il y a eu une grosse grève générale. Sauf que c'était le moment d'envoyer les données aux USA. Ouais. Donc, j'ai mon patron. C'est mon pire voyage. C'est bête à dire, mais ça a été mon meilleur aussi. C'est-à-dire que je suis parti en jet privé de Saint-Étienne. Sympa. Jusqu'à là, ça va. Avec tout à bord, de quoi manger, etc. Il a pas se craché, arrivé... non Non, il s'est pas craché. Je suis arrivé à JFK à New York, je me suis posé, j'ai pas eu le droit de poser le pied au sol, j'ai donné une mallette à quelqu'un et je suis reparti. Ah, d'accord. Et je suis revenu à Saint-Étienne. Okay. Et wow. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de voir les États-Unis. C'est... Moi, ça serait mon rêve, c'est d'emmener Kiki, Altaïr et le petit dernier faire un road trip aux USA. Ah, je valide. Mais donc, t'as le droit de poser le pied cette fois-ci. Et pas que des valises. Tu veux pas nous prêter une voiture pour faire un road trip ? Pas la 4L, attends toujours en panne. Te prêter une voiture pour aller aux États-Unis ? Ça va être un peu compliqué, Kylian. Luther, du coup, moi je peux me permettre de te poser. Qu'est-ce que t'en penses d'un langage universel, toi, justement, pour voyager ? Est-ce que tu penses que. Il n'y a pas besoin de langage universel. Ouais, mais le du coup. Le langage, tu le trouves tout seul. Ouais. Tu communiques avec d'autres sens, en fait. Que ça soit par les signes, que ça soit par l'anglais. Google Trad aussi. Ouais, je suis d'accord. C'est bête à dire. Google Trad, dans ça. T'arrives toujours à te faire comprendre, en fait. Aujourd'hui, que ça soit. Dans notre langue française, il y a tellement d'anglicisme, il y a tellement de polyglottisme, si je peux parler comme ça, que on arrive à se faire comprendre dans tous les pays. Plus ou moins, quoi, ouais. Ouais. Ouais. Sceptique. Sinon, on fait des dessins. Ou... Ça marche les dessins. Non, mais oui, mais il y a toujours moyen. Moi, je suis d'accord. Il y a toujours moyen dessiner, de se faire comprendre. On peut écrire au pire. Je vais pas vous mentir. Ouais. Ouais. Quand on parle un espagnol et un italien, oui, mais quand tu vas parler un amérindien ou un chinois. Non, mais il n'y a pas obligé de se faire parler. Moi, j'ai été justement en Pologne, au pays de l'Est. Ils parlent pas du tout anglais ni français, rien du tout. Le pays de l'Est, c'est vraiment des langages différents. Donc, j'arrivais très bien à me faire comprendre alors qu'on parlait pas du tout, quoi. Ouais, mais compréhension et langage, effectivement, c'est un peu. On a mimé, il m'a montré. J'arrivais très bien à comprendre ce qu'il me disait. C'est vachement sympa en plus de communiquer comme ça. Moi, je suis arrivé en Roumanie, je parlais 3 mots d'anglais et 4 mots d'espagnol parce que t'as mélangé tout ça. Au niveau langue, je suis vraiment je suis pas mauvais, mais je suis pas une quiche océane. C'est pas une quiche lorraine, mais c'est un mix, quoi. Voilà. Ouais. Ok. Voilà. Je sais me débrouiller, mais je suis arrivé par exemple en Roumanie. En Roumanie, j'ai servi des gens pendant 3 semaines. Au Hard Rock Café de Roumanie. Ouais. Et pendant 3 semaines, j'ai pas parlé un mot de français, j'ai pas parlé un mot d'anglais. Je me suis débrouillé qu'avec les signes. Ouais. Bah écoute, je fais pareil en règle générale, mais en France, moi. Toi, tu fais des langues des signes en France. C'est une des meilleures expériences de travail, parce que au final, tu te rends compte que si tu travailles pas dans les pays où tu vas, si tu vis pas, il y a un truc qui est vachement important dans le voyage. C'est vivre local. Ouais, mais c'est ce qu'on disait, ouais. S'adapter. Bah après, tu peux pas travailler partout, hein. Européenne, t'es dans la merde. Si t'as un visa touristique, tu peux pas travailler, du coup. Ah ouais, c'est pas pareil. En Europe, si. Oui, en Europe, oui. En Europe, tu peux le faire. Aux États-Unis, tu ne peux pas. Mm. Par contre, en Chine ou quoi que ce soit, même si tu as un visa touristique, tu peux travailler. Hey. Par exemple, moi j'envoie Kylian, hein. Kylian il a 14 ans, je l'envoie en voyage en Chine, il y a les recruteurs de Nike. Et il est bientôt à la retraite. Il va aller dans une usine pour allez. Faire des baskets. Allez Kylian à l'usine. Au revoir. Tu disais que c'était cher les Converse, va les faire. En tout cas, je les aurais gratuites là. Hein. Ah oui, pas sûr. Pas sûr. Clair. Pour avoir des Nike gratuites à la maison, ça peut le faire. Hein. c'est un concept. En tout cas, sur Indestar, c'est la musique. C'est la bonne musique. Mais oui. Ça reste gratuit. Et qu'est-ce que t'as à nous proposer? Tu peux la faire aussi si tu veux, Kiki. Tu pourras en faire. Mais bon, là, tu vas pas la faire cette fois-ci. Mais si... Ouais, si tu veux la lancer peut-être? Non, j'arrive pas à voir là ce qui est écrit. Ah, c'est Braten. Ouais, Braten. Et Victor Perry. Big Jig Plane. Voilà. C'est un remix. On l'avait pas déjà passé une fois celle-là? Bien sûr. Salut, bonne soirée. Merci, salut. Thank you. your mister, place to me, yeah. I wanna hold her, I wanna kiss her. She smelled of daisies, smelled of daisies. She drive me crazy, drive me crazy. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Gonna take her for a ride on a big jet plane. Hey, hey. Elle est pour vous. Émission spéciale sur Indestar. Là où tout commence. Eh oui, elle est unique cette émission. Elle est unique. L'émission du débat du vendredi. Tunique. Non, mais tu vas pas la faire à chaque fois. Je l'ai déjà L'autre fait. Fois, tu me l'as déjà fait, Linda, elle est pas en tunique. Et non, je suis Merde. Pas en tunique. Regarde, je suis en t-shirt, j'ai même... Je croyais qu'elle était unique. Là, je croyais qu'elle était unique, cette blague. Et j'ai même mis un t-shirt de Thaïlande, s'il te plaît, ce soir. T'as moi, je suis raccord. T'as mis un moi. T-shirt de vacances de Thaïlande, c'est ouais, écrit. C'est mon papa qui me l'a ramené de Thaïlande. Bon, on dira rien sur ce que j'ai dit. Allez, on continue sur le thème. On continue sur le thème. Alors, du coup, c'est la dernière question. Et ça sera à partir seul ou à plusieurs, entre amis, en famille, en couple, sans enfant, avec enfant. C'est la question bonus, non? C'est la question bonus, d'ailleurs. Et c'est bien de le dire, Kylian. Du coup, j'ai mis ce petit sondage ce matin sur les réseaux, sur Facebook en l'occurrence, et j'ai eu que des oui. Alors tout le monde veut partir entre amis, parce que moi la question que j'avais mise c'était est-ce que vous voulez partir entre amis? Et c'est visiblement tout le monde veut partir entre amis. Bizarrement, personne veut partir en couple. Je sais pas, écoute, en tout cas ça a inspiré tout le monde. Ouais. Voilà. Et en fait, quand on pense voyage, c'est souvent avec des amis, pas avec la famille. Toi. Alors non, il y a des gens qui pensent tout seuls aussi, surtout. Ou moi, tout seul, faire tout c'est seul. Ça. Voilà. Toi, à ton âge, peut-être qu'aujourd'hui tu te dis je veux partir avec des amis. Bah non, en fait, il part tout seul. C'est juste quand on regarde la mode et tout ça, c'est tout le monde dit ouais, je vais partir avec mon ami et tout ça, je vais avec tes potes. Oui, c'est mais ça. Quand tu auras 20 ans de plus, peut-être tu auras une chérie ou un chéri. C'est et ça, donc c'est tu vas ça. Dire, je vais peut-être partir avec mon chéri, tu vois, ouais. Ou ma chérie. Il ira en Chine. Et... Tout dépend de la destination. Ouais. Et le but. Destination. Hugues, je te sens, t'as envie de dire un truc, vas-y. Non, mais on parle de partir en ami, il l'a déjà répondu, en couple, André, ouais. Le voyage en solo, si tu veux rencontrer du monde, bah il faut voyager en solo. Ah ouais. Bah ouais. Ça se fait naturellement, de toute façon. Naturellement, ouais. Les gens, ils vont te voir poser dans un bar ou quelque part. Spontanément, ils vont venir vers toi parce que... Bah, pour savoir qui t'es, bah, qu'est-ce que tu fais là. Pourquoi ouais. T'es tout seul et tout ouais. Ça. Les gens, ils vont venir vers toi. Ouais. D'accord. Alors que quand t'es en couple, tu vas voir... Ou entre amis, même en binôme. Oui, tu vas rester entre tu vas rester dans ton petit univers. Ouais. Ouais, du coup, c'est ton point de repère, l'autre personne. Ouais, de fou. Ouais, après, si les deux personnes sont vertes, ça peut se faire, à mon avis. Si tu ouais, vois, si tu vas vers les pareil. Gens et tout, c'est toi qui fais la parce démarche. Parce que t'as le choix, du coup. Ouais, je suis d'accord, mais je pense que ça bloque un petit peu. Oui. Quand même. Ouais. Alors qu'en fait, quand t'es tout seul, en fait, t'as pas le choix au final. T'as besoin des autres finalement. Ouais, bah ouais. C'est le but, j'imagine. Ouais. Toi, Théo, bon, j'imagine que c'est voyager seul ou même entre amis au final que t'aimes bien. Alors, moi, seul, j'ai du mal. Mais j'aimerais bien, hein. Mais en t'es fait, plus pour les voyages entre amis. Alors, famille. Moi, ce que j'aime bien quand quand je voyage, c'est aussi partager. Donc, en fait, je trouve que c'est ce qui me manque si je pars seul, c'est de ne pas pouvoir partager ce voyage avec quelqu'un. Et, pour les problèmes de bagnole. Pour créer des souvenirs à deux, en fait, oui, ou à de trois créer ou à quatre. Des souvenirs, ouais, c'est ouais. ça, et de se dire après, tu te rappelles quand on avait fait ça, etc. Ça crée des anecdotes. Mais oui. Et j'adore ça. Donc, en fait, ouais, jusqu'à maintenant, je suis toujours parti avec quelqu'un. Et ça lie les personnes en plus, parce que du coup, tu partages quelque chose. Complètement, complètement. Une galère, alors, peut-être aussi, ça peut être une après, galère. Après, famille, amis, peu importe, quand en fait, tu tombes en panne, c'est mieux d'être deux. Non, mais t'as raison, Anna, c'est c'est-à-dire qu'en fait, ouais. une galère, on va dire ce qu'on considère c'est comme une galère, sympa à deux qu'à notamment tout seul. Une panne de voiture, bah en fait, quand t'es tout seul, c'est vraiment la grosse tuile qui t'arrive. Quand t'es à deux, tu peux en rigoler. Tu la partages. Quoi. Ouais, tu la partages. Ah, puis après, c'est ouais, parti de l'aventure. Ça quoi. Reste un souvenir. Ouais, surtout carrément. Avec quelqu'un qui fait le con à côté. Ouais, on a essayé. Ouais. Ah, ok, et bon. Alors avec la famille, c'est quelqu'un est déjà parti en famille. Ouais. Ouais, et ça oui. se fait ou pas ah, bah carrément, mais après, il faut que ça soit de la famille ouais, avec qui et tu puis ça dépend bien. Ce que tu veux ouais. faire, quoi. Voilà. Ouais, c'est... Non, en fait, tout dépend des destinations. Ouais, ouais. Alors, pas que. T'as des destinations qui se font en famille, et il y en a que t'as envie de faire toi-même. En couple, par exemple. La Thaïlande. Ouais, ou tout seul aussi. Tout seul, ça dépend. Pas tout pourquoi. Dépend de la destination. Ouais, après, entre amis, entre personnes juste que tu côtoies et que tu t'entends bien, bah, tu découvres des choses. Donc, puis avec je des, pense, des suivant, personnes... suivant les destinations, parce que forcément, parfois, même le couple, parfois, la personne n'a pas envie d'aller à cet endroit-là, à la même destination, et t'as un ami qui voudrait y aller aussi. Donc, du coup, tu te tournes, au lieu d'aller en couple, et bah, tu vas en ami. Ouais. Et du coup, t'es célib après. Mais ça, c'est un autre détail. Non, mais je pense qu'il faut avoir un minima, la même définition du voyage avec la personne avec qui tu pars. C'est-à-dire que si t'es pas sur les mêmes longueurs d'onde, et si t'en as une qui est plus Airbnb et l'autre qui est plus je dors dans ma bagnole, ça passe pas. Tu peux faire un compromis. Ah ouais. Mais tu mets la bagnole dans l'Airbnb. Non, non, non, ouais, mais tu peux faire un compromis. Mais disons qu'il faut être d'accord au départ. Quoi. Bah, genre, toi, si tu dors dans le garage du Airbnb. Non, mais ça dépend ce que tu dors dans le Airbnb. Si toi, tu veux visiter, par exemple, ça dépend si tu veux visiter le pays ou aller faire la teuf tout le temps. Quoi, tu vois, c'est deux choses, deux façons différentes de voir l'autre. En même temps, Ibiza, t'as rien à découvrir. Ah oui, c'est la teuf tout le temps. J'exagère. Ça se trouve, il y a des choses à faire à Ibiza. Il y a des choses à Ibiza. Il y a David Guetta, il y a des bons DJ. Beaucoup de choses. Tout ce qui est à Ibiza reste à Ibiza. Ouais, c'est vrai. Oh, c'est valable même si tu changes de ville, hein, même si tu changes de maison. Hein. Non, non, mais il y a la Thaïlande. Il y a une ville locale. La Thaïlande, on peut faire plein de choses. Il y a une ville locale ? Oui. Oui, c'est avant d'être un endroit de club, il y avait une vie, il y avait une grande communauté hippie, et puis il y avait aussi vraiment des locaux, des gens qui vivaient sur l'île. Mmh. Ouais, j'imagine que c'était pas des bâtiments, mais. Faut que j'arrête avec mes blagues de merde. Un jour j'arrêterai, hein, promis. Mais parce que tu arrêtes. Toi, franchement, t'es dit, arrête. Tu te vois partir en famille avec Owen et ta moitié ? Bah bien sûr, parce que déjà entre guillemets, je suis fondateur d'une famille. J'ai créé un bout de famille, tu vois. T'es donc, responsable, donc tu dois les amener voir du pays. Par exemple. Ouais, peut-être. Je sais pas si je suis obligé. Non, pas obligé, mais c'est bon. Mais c'est sympa. Est-ce que je peux pas lui faire découvrir des choses ? Ouais. Si. Avec donc, Google Maps. Ça me dérange pas, mais par contre, effectivement, je reviens sur ce que disait Anas. Je n'irai pas forcément partout avec mon fils. Non, là pas où adapté. Je voudrais aller, moi, tu vois. Oui, c'est pas adapté. Je fais un genre de compromis dans le sens où je vais avoir des choses qui pourraient l'intéresser et lui et moi. À mi-chemin entre. Ça me fait pas. Voilà. J'aurais peut-être fait autre chose, moi tout seul. Ouais, bien sûr. Ou moi, il faut faire amis. Des choix, quoi. Oui, voilà, donc bah, j'essaie de faire les deux, en fait, tout simplement. Mais quand il sera grand, quand peut-être je suis en famille, évoluer, je suis avec eux. Ben, ça va évoluer quand il va grandir aussi, ah sûrement. Bah, forcément. Forcément. Ouais, mais après, t'as toujours des solutions. Regarde, moi, à Barcelone, j'ai fait Nouvel An une fois en famille. Ouais. Et après, j'ai refait voilà, Nouvel An avec des potes. Et moi, alors, je veux c'est tout. Différent, du coup. C'est complètement différent. Ah, c'est... La famille s'est posée, avec les potes, c'est le bordel, quoi. C'était un Nouvel An plus calme, on va dire. Non, mais c'est carrément différent. Et il y a des choses dans la ville que j'avais pas vu en étant en famille, en ami. Et pareil, en ami, j'ai pas vu des choses. C'est pas la même chose. Les amis, ils ont pas pu voir les choses qu'on a été à des endroits familiaux. Tu vois. Ouais, c'est pas pareil. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien cette optique-là. Tu vois, je vais dans des trucs avec ma famille, ok. Par contre, c'est vrai que j'ai quand même tendance à préférer les milieux où je peux aller avec moi et mes amis, à la rigueur. Parce que j'ai l'impression de beaucoup plus m'amuser. Tu vois. Ah, bah oui, c'est pas pareil. C'est peut-être purement égoïste, j'avoue, mais. Non, mais la découverte. T'as c'est... la découverte. Ouais, mais après, tu. Le monde quand de la nuit. Quand t'es avec tes amis, oh, t'es plus dans le monde de la nuit qu'autre chose, quoi. Quand je travaille le matin. Le monde de la nuit, c'est dans une boulangerie, t'es dit. Ouais. Non, mais oui et non, parce que tu prends Barcelone, sa vie du matin au soir. Donc ouais, c'est la fête tout le temps. T'arrives dès l'après-midi, dès la fin d'après-midi, tu passes dans la rue. T'es en boîte, quoi. Ah bah, tu passes dans la rue. Fin d'après-midi, tu rentres en boîte, quoi. Les bars là-bas, c'est des boîtes. Toi, tu rentres en boîte, t'as 14 ans, bordel. T'as déjà l'apéro, t'as tout. Il conduit, il rentre en boîte. Les tapas, ses soirées. C'est qu'un détail. Et ça commence dès l'après-midi, donc eux ils vivent, ils commencent. Bah, l'après-midi ils font plus la sieste. Tu m'excuseras. Si, il y a une institution qui dit qu'ils font la sieste en Espagne. En début d'après-midi. Il fait beau, c'est trop chaud. Attends, j'ai une petite anecdote. Je sais pas si elle va être bien ou pas, mais je vais vous raconter un truc. Attention. Alors, avec mon ancien meilleur pote, un jour en fait, on est parti en allant en Belgique. Donc, Belgique, le tabac, etc. Boîte de nuit aussi. Non. Boîte de nuit, festival. Alors, en fait, c'est là où, par exemple, avec ma famille, je sais, j'y serais pas allé parce que déjà, vu ce qui nous arrivait sur la route, c'était une galère. Mais. Ah, mais ça, tu pouvais pas le savoir, on va dire. Voilà. Donc, en fait, on était trois. Il y avait moi, mon ancien meilleur pote et un collègue à nous. Donc, en fait, ancien meilleur pote, qu'est-ce qui s'est passé lors de ce voyage? Non, c'est pas lors du voyage, c'est plus tard. Bref, en fait, donc, ce qui s'est passé, on part. Donc, on est parti tôt, en fait, pour passer la journée là-bas. Ouais. Donc, moi, la Belgique, à la base, je connaissais pas. Ouais. Et donc, du coup, bon, j'ai découvert des rues. Enfin, bref, je vais vous raconter vite fait. Et en fait, sur la route, il nous arrive une galère, on crève. Ah, chef. Donc, on commence à lever la voiture. On avait les outils, en fait. Oui, le cri. Voilà, le cri, etc. Bref, et en fait, on n'arrive pas à enlever la roue. On n'y arrive pas. Non mais attends, je t'explique, on travaillait quand même dans une casse. Hein. On avait un pétard. Donc un pétard, c'est un en gros comme une perceuse, enfin une dévisseuse visseuse, mais à choc, une clé à choc. Ouais. Bref, impossible, ça voulait pas. On a dû appeler le dépanneur. Le dépanneur il vient, il prend sa clé à choc, il essaye, impossible. Il nous dit pas les gars. De bol, quoi. Le mec nous a quand même regardé faire. Hein. Ah ouais. Et du coup, bagnole, il prend quoi? Il prend le gros tube. Avec la croix, il craque, il dévisse ça comme ça. Ça lui a pris 5 minutes, on a changé la roue, bref. Moi aussi, je fais ça. Et on repart. On arrive donc en Belgique. Et sur la route, en fait, on se fait arrêter par la police. Ah. Et ouais. Pourquoi? Parce qu'il vous manque des boulons. Non, mais il était louche. On va en Belgique, en fait. Il était louche, ouais. Du coup, c'est vraiment vrai hein, ce que je vous raconte là. Hein. Le mec, donc le policier nous demande les papiers de la voiture, bref, on lui donne, etc. Il nous dit vous allez faire quoi et tout, machin, vous allez où? On va en Belgique, voilà. Et il dit ouais, pour les cigarettes et tout. On dit non, pour les putes aussi. Ah bah d'accord. Bref, et on est parti là-bas. On est parti là-bas, bref. Mon ancien meilleur pote, il a tapé des putes. Enfin bref, passons. Bref, voilà, c'était une petite anecdote marrante. Ah, c'est tout. Heureusement, les enfants, ils sont couchés. Hein. C'est tellement rigolo. Non, mais en fait, ce qui est énorme, c'est que. En fait, vraiment, on est parti sur un coup de tête. Et de ce coup de tête-là, de toute façon, il nous arrive toujours des dingueries. Ouais, parce qu'il y avait le retour aussi, une dinguerie. Bref, donc, en fait, on a crevé. On s'est fait arrêter par les keufs. Et sur le retour, on est rentré. Et on suit une voiture qui était un peu louche, machin. On l'a suivi pendant, je sais pas, honnêtement, 20 km. La meuf complètement bourrée, on était avec les keufs au téléphone. Ah ouais. De façon à ce que, en fait, nous, elle quand on était derrière, on puisse les bloquer. La cadrer, quoi. Ouais. Et vous êtes en Belgique. Une dinguerie. Non, on revenait. Oui. Voilà. Ah ouais, parce qu'en Belgique, c'est normal. Fils au Paradise. Ah, j'exagère. Je connais, Luther, je connais pas le Paradise. Mais il sortait du Capitaine. Il sortait du Capitaine. C'est quoi déjà ton prénom? Kylian. Ouais. Rappelle-toi de la rue d'Ascot. Non mais qu'est-ce que lui donne comme info toi là? T'inquiète pas, je connais déjà. Moi je suis ce que Luther a dit. C'est de la corruption de mineurs. Luther a dit un truc, voilà. Oui, donc t'es plutôt quoi, Pascal? Toi, voyage entre amis, voyage en ouais, famille. Ouais, moi avec les potes, ouais. Ça peut être ouais. Voyage en famille aussi, t'as quand même un petit bout de famille. Non, je parle plus à ma famille. Enfant? Non, mais donc entre amis c'est très bien. Mais non, mais les amis, on les sélectionne, donc c'est cool. Ouais, avec mes potes. C'est le meilleur quand même. C'est le meilleur. Bars. Ouais. T'es plus libre avec. Ouais. C'est marrant. Tu fais pas t'as la même pas chose. Gêne. Ouais. T'as pas de gêne. Ouais. Ou alors c'est qu'on est tous dans des relations toxiques. C'est pas possible. Mais ouais, je sais pas. T'es pas pareil. Tu savoures pas de la même manière. Ouais. Tu sais que tu vas t'amuser, vous, quoi. Ouais. Là, ça manque un peu de musique, non? Ah, tu qu'est-ce qu'il nous balance ça comme ça? Mais non, ça manque un peu de musique. Ça veut dire que ça c'est pas le en fait. T'as le permis, tu vas en boîte. Et tu veux lancer la musique sur Indestar. Mais sans déconner. Il y a André qui a pas parlé. Si, si, elle a parlé un moment. C'est vrai? C'est vrai qu'on n'a pas envie de l'entendre de toute façon. Non, mais donc, vas-y, jeune homme. On va écouter Julia Westlin. Wake up. Julia Westlin. Westlin. Attends. Et on est où ici? Ah oui, j'avais pas vu le L. On est où? Chez Indestar, bien oui, évidemment. Oui, chez Indestar. Ah oui. Jusqu'à 23h, c'est l'émission spéciale sur Indestar. Bienvenue à la maison. Ah, bienvenue pour la conclusion surtout. Oui, non, mais c'est que j'ai été choqué parce qu'en gros, il a dit jusqu'à 23h, ouais. Il est déjà 23h16. Ouais, mais on est bien là, on est bien. Il a toujours tort, ce jingle. Il y a du mensonge. Ouais, c'est clair, c'est publicité mensongère. Ouais, faut pas le mettre à la fin celui-là. Ouais, c'est foutu là. Bon, c'est pas grave. C'est bon. Et on va faire une conclusion, peut-être, Teddy, qu'est-ce que t'en penses? Parce que ouais, il est temps. À 23h30. Voilà, comme plus ou moins comme d'habitude. Oui, c'est vrai. Tu as tout ce qu'il te faut ici pour nous faire une belle conclusion. Je me chauffe. C'est parti. Hop. Alors, voyage. On a parlé, effectivement, c'était le thème de ce soir, le voyage, comment envoyer tout ça. La première question, c'était le voyage plutôt organisé ou plutôt le voyage... pas organisé. Freestyle, freelance, fais ce que tu veux. Ouais, partir à l'aventure, quoi, découverte et tout ça. J'ai noté qu'en fait, quand tu partais à l'aventure, c'était beaucoup plus réaliste parce qu'il n'y avait rien de préparé, quoi, en fait. Oui, réaliste et dans quel sens? Je dirais même que c'était la... Dans le sens où tu vis les vraies choses du pays. Ah, okay. Après, les vivants aussi, mais bon, oui. Tu découvres plus une culture comme ça en partant à l'aventure qu'en étant organisé, parce que généralement quand tu t'organises, tu vois les choses de touriste. Par contre, il fallait du temps, être curieux et savoir s'adapter aussi. Oui. Voilà. Mais ce qu'on peut dire aussi sur cette question, c'est que il y a une majorité quand même de personnes qui préfèrent carrément partir à l'aventure. Ouais. En tout cas, dans ces studios, c'est que carrément ça va partir à l'aventure. On n'est pas du tout Club Med et tout non. ça. Hein. Non, mais les Club Med et les croisières, ça marche bien. Donc, mais voilà. Oui, ouais. À un certain âge, t'as pas le choix. Bah, j'ai un de mes collègues, il part en croisière. Sa meuf lui a payé une croisière et du coup, il va. D'accord, ouais, avec sa meuf. Alors oui, t'as le choix, mais bon, c'est plus confort quand t'es âgé, tu vois, c'est... par exemple. Oui, ouais. Mais oui, voilà, c'est pas le même type de voyage. Ça doit pouvoir se faire, ça doit être sympa, mais bon, c'est... dis-toi pas que tu fais une croisière Club Med, par exemple, pour découvrir un pays. Mm. Voilà, tu te tromperais, je pense. Mais bon, voilà. La question n'est pas là. La deuxième, le deuxième débat qu'on a eu, c'était s'adapter au pays d'accueil. Dur, pas dur, est-ce que faut s'adapter ou pas, d'ailleurs, tout court. Donc il y avait dedans les rites, les coutumes, les l'alimentation, la manière de se vêtir et tout ça. On en a parlé, ouais. Notamment avec Mario. On a beaucoup entendu qu'il fallait être respectueux déjà en fait. Oui. C'est important. C'est une prérogative, mais même, oui, effectivement, en règle générale, hein, c'est bien d'être respectueux. Et qu'il fallait pas juger la façon. Sauf les Parisiens, mais à part ça. Non, allez, allez hop, ça c'est fait. Non, alors, faut pas avoir de jugement quand on va quelque part. Il faut respecter, ouais. Même si c'est pas dans tes. Façon de faire. Oui, en fait, c'est ce que nous disait Mario. En fait, il y a certaines choses que tu vas voir qui, pour toi, culturellement, ne passent sont, pas. Ouais. Oui, sont même interdits ou voilà. Ouais. Mais en fait, t'es dans notre pays, en fait. Donc, ta culture, tu fermes ta gueule. C'est ça que nous a dit avec des mots plus gentils. Ouais. Mais oui, c'est t'es chez quelqu'un d'autre, t'es ailleurs. Donc, eux, ils font comme dire, quoi. Eux, ils veulent, ouais. En fait. Bah ouais. Voilà. Donc. Oui, s'adapter au pays d'accueil, c'est carrément valable. Il faut s'adapter au pays d'accueil. Il faut avoir un certain sens de l'adaptabilité. Ouais. Des fois, c'est plutôt dur. Des fois, c'est plutôt facile. On a parlé, par exemple, des véganes. Oui, voilà, par exemple, ouais. L'alimentation, ça peut être très dur quand t'as des contraintes. On a parlé d'œufs de 100 ans. C'était quand même compliqué, oui. Apparemment. Ah, ça, c'est qu'elle l'a découvert et que c'était pas bon. Non, hein, mais en plus, bon. Après un massage, elle avait faim, quoi, apparemment. Ouais. Donc, voilà. Et il donne un œuf juste pour la remercier. Ouais. Tu sais, c'est comme nous, quand on fait un don du sang, il nous donne un sandwich. Ouais, enfin, le sandwich, c'est peut-être mieux, pour le coup. Bah, non, mais c'est carrément mieux. Un œuf de 100 ans, c'est dégueulasse. Enfin, bref, je juge pas, je dis que c'est dégueulasse. Après, faut pas juger sans avoir goûté. Non, c'est dégueulasse. Non, c'est dégueulasse. Un œuf, c'est pas censé durer 100 jours dans un truc. Bref. Je suis trop méchant. Troisième sujet, les frontières. Donc, on a beaucoup parlé des frontières, notamment qu'on n'était pas tous égaux. Ouais. Enfin, parfois, il fallait des visas. Selon d'où tu venais, selon comment tu voyageais, comment tu te déplaçais d'un pays à un autre. Effectivement, t'as besoin d'un visa pour et certains que pays. C'était compliqué à obtenir et alors c'était que t'as payant. Le passeport et tout ça. Voilà. C'était compliqué. Si tu vas travailler dans notre pays, des fois, il faut une carte verte, j'ai entendu, et c'est pas ou une carte un visa. Enfin, je sais pas si c'est un visa pour travailler. Un visa de travail, peut-être. La carte verte, c'est les États-Unis qui la demandent. D'accord. Je sais pas. Je l'ai balancé comme ça parce que je m'en rappelais. Mais oui, les frontières, c'est bah, comme son nom l'indique, des frontières. Ça met quand même des barrières pour certaines choses qui pourraient être un peu plus allégées. Ouais. C'est une tendance que Théo a suggéré. Bah. Alléger un peu les. Comment dire. Les possibilités de traverser la frontière, je sais plus comment on peut dire ça, mais que ça soit plus simple en fait. Et surtout plus égal. Alors que plus Marie, égal, alors oui, que carrément Marie plus Yod, égal. Elle nous a dit autre chose, elle voit les choses différemment, c'est-à-dire qu'elle prend plaisir à aller dans un pays où elle a le droit d'aller, parce qu'on lui a donné ce droit. Voilà. Oui, puis elle a aussi dit que les frontières, c'est bien qu'il y en ait en fait pour qu'on ait chacun notre petite individualité, pour qu'on se reconnaisse voilà. Chacun, ouais. Avoir un propre soi pour pas être tout le monde pareil. Au final. Ouais, c'est ça. Oui, pour avoir chacun sa culture entre et guillemets. Oui. Sinon, ça se perd tout ça après au bout d'un moment. Ah oui, moi je vous ai rajouté que là-dessus, on peut avoir chacun notre culture. On n'est pas obligé d'être déterminé par des frontières déterminées politiquement parlant, si j'ose dire. Il y a une petite notion là-dessus, moi que j'avais bien aimé, mais bon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a parlé des voyages courts ou longs, des road trips ou plutôt sédentaires, et du coup, moi j'ai gardé que le road trip c'était cool parce qu'on pouvait voir des paysages, des visages, s'arrêter, profiter, mais en feeling quoi, tu vois, se laisser porter un peu quoi. Il y a effectivement plein de manières de voyager, le road trip en est une, se déplacer en itinérance, ça rappelle l'aventure, hein, comme on disait au début de cette émission. Le road trip, ça sonne aventure, clairement. Ouais. Aventure, essence, bagnole, hein, quand même, on va pas se mentir. Qui fonctionne, c'est mieux. Mais tu peux le faire aussi en vélo, tu peux le faire aussi à pied. Ouais. Notre ami Lutherbach l'a fait à pied. Notre ami Hugues l'a fait en vélo. C'était en stop pour Lutherbach. Et C'était en stop. En stop. Ouais. En oui, stop. Ouais. Europe, bah oui, bah ça reste ouais. à pied parce que du coup il n'y a pas de bagnole ni de vélo. Bah si, en stop, tu fais. C'est ouais. voiture quoi. C'est. Oui, c'est du covoiturage. Ok. Et c'est du covoiturage gratuit. Et Hugues nous a dit qu'il avait pris le vélo mais qu'il partait aussi en train parce qu'il pouvait mettre le vélo aussi. Des fois quand il était pressé par exemple. Voilà, bah c'est cool. C'est cool. Bah oui. Ça c'est adaptable quoi. Donc le road trip c'est sympa. Les voyages longs c'est aussi tout à fait appréciable pour découvrir un pays. C'est bien plus simple, tu restes longtemps donc forcément tu vas avoir beaucoup plus de choses dans un pays. C'est une logique assez. Il faut de l'argent partout, quand même. Voilà, parce que plus ton voyage va être court. Mais ouais, il faut de l'argent. Il faut de l'argent effectivement, ou alors faut trouver un moyen de pouvoir rester d'une manière ou d'une autre. Coût quoi. Voilà. Dans le woofing. Tu peux rester le chez l'habitant comme Mario. Woofing, dans bon. Le hard café, je sais plus le quoi. Le hard rock café. Ouais. Ah non, hard ça, rock c'est un café. Exemple, mais en fait ouais. tu peux aller faire du woofing dans les fermes, dans plein de choses. Putain la vache, c'est un chez autre McDo. Concept ça. Oui vas-y, c'est vrai, hard rock café ou un truc dans le genre. Je crois. Ouais, c'est ça. C'est que j'avais carrément oublié un mot, hein, mais bon, on s'en fout. Oui, ça peut être sympa effectivement de rester longtemps dans un pays pour découvrir comment. À fond, quoi. Comment vit une autre culture au final, ouais, voilà, et t'imprégner d'elle et toi parler. Il y avait aussi cette notion d'échange que Mario a beaucoup a fait ressortir ce soir. Ouais. Bah, elle a beaucoup absorbé de choses de cultures différentes, mais parce qu'elle a les été autres personnes n'ont pas forcément pris. Ah d'elle. Oui, c'est vrai. Mais il faudrait peut-être qu'ils viennent. Faudrait que ce soit les deux. Faudrait qu'il y ait un échange culturel. Ça serait ouais, vachement cool, ouais, je trouve. Et le langage universel alors ? Est-ce que qu'est-ce qu'on a gardé comme ça ? On a gardé que le langage des signes, ça serait pas mal ? Anglais aussi. Anglais aussi. Alors le langage des signes, genre, je crois qu'on n'a pas trop. Si, mais tu m'en avais parlé. Mais bah, moi, oui, j'ai surtout noté qu'on pouvait communiquer de différentes manières en fait. Pas forcément avec une langue. Il y a pas Oui, voilà. Angé nous a dit qu'elle pouvait dessiner, que voilà. Hein ? Langage des signes. Ouais. C'est oui, c'est un moyen de communiquer plus qu'un langage. C'est de la communication. Après, y a c'est une différence entre les deux. J'aimerais bien la savoir parce que j'ai avoir du mal à la dire. Moi, je suis sûr qu'on peut communiquer rien qu'avec le regard et des ouais, sensations. Non, et parce des, que tu pourras pas dire tiens, fais du pain au levain avec le regard. Mais non, bien sûr, mais il voilà. y a des choses allez, qui doivent être possibles de passer quand même. Tu oui, vois j'ai faim et encore. Non, mais non. Mais dans bah, le. Si, je suis sûr, c'est possible. Mais... Non, mais plus simple que ça. Genre, je sais pas. Je pense. Je sais pas comment l'expliquer, mais en tout cas, être avec quelqu'un. Et arriver à. Tu peux démontrer des émotions voilà, avec l'expression corporelle, mais des émotions, ça te fait pas communiquer plus que ça. Enfin, non, mais tu vas pas faire des émotions, un c'est roman bien, non plus, mais c'est pour ouais, partager quelque chose. T'as besoin de fois de parler concrètement. T'as besoin de dire où sont les chiottes. Et non, ça, c'est pas avec besoin, des émotions hein. que tu vas bah le montrer. Après, tu peux faire des signes peut-être aussi, genre j'ai envie de pipi, quoi, tu vois. Oui, mais bon, c'est moins. Justement. Teddy, petite anecdote, moi en Pologne, il m'a appris à faire de la vodka à maison. Trop bien. J'ai rien compris à ce qu'il m'a dit, mais il m'a tout montré. Je sais comment excellent. On fait maintenant. Hein. Ouais, tu assembles les choses, quoi. De toute oui, mais parce que c'était visuel, du coup, vas-y. Vodka au coin. Oh, waouh. Ceci dit, les, en vodka. T'étais puni. Les coins en Pologne, c'est super bon, ça se mange comme ça. D'accord. Comme une pomme. C'est quoi des coins ? C'est un fruit. C'est comme bordel. Une pomme un peu, hein, je crois. Hein. Tu alors attends, tu t'as pas le permis mais tu sais tout comment conduire, tu connais toutes les boîtes mais tu connais pas le coin. La confiture de coin. Ouais, tu bon, sors. Bref, sors de là. Allez. Le pot. Tu sors. Oui, langage dit... universel. On va parler aussi que alors peut-être pas un langage pour tous. Enfin, si l'anglais, tu vois. Ouais, mais l'anglais. Tout le monde devrait ouais. plus ou moins parler anglais. C'est ce qui est mais ressorti comme idée. Tout le monde parle anglais. Non, non mais non. Non, non, non tu m'as jamais vu parler français déjà. Alors. Non, mais dans tous les pays, ils parlent anglais. La vérité. Oui, mais après, voilà, on nous oblige finalement c'est à rester discutable. Sur ce langage, tu vois. Je suis pas sûr. Teddy, je sais pas. Tu parles la France. Tu parles pas le français. Tu parles la France. Oula. Évidemment. Exactement. Tu vois, je dis même pas le bon mot. Mais oui. Donc oui. Langage universel, peut-être pas, peut-être. Ça dépend. On a toujours moyen de communiquer de voilà, toute façon, en fait, ça. Même quand on est dans un autre pays avec une autre langue et tout ça. On trouvera toujours une solution de communiquer. On arrive à communiquer d'une bien manière sûr. Ou d'une autre. Partir seul ou à plusieurs, en famille ou pas, entre amis. En fait, apparemment, tout le monde veut partir en amis. Pas... Ouais. Ouais, ouais. Bizarrement, je crois qu'on préfère tous partir entre amis. Parce que c'est lâcher prise, quoi. C'est ouais. complet. Par contre, on a des fois des devoirs conjugaux. Du coup. J'ai dit que je parlais pas français, donc mais j'ai oui, le droit. Mais voilà, c'est ça. À partir du moment que j'ai dit que je parle pas français, tu vois, j'ai le droit ça de dire ça. Ça donne pas une excuse. Comment ça, ça me donne ça pas une excuse. Ça t'autorise pas à pas parler français, en vrai. C'est horrible. Ouais, effectivement, des fois faut partir avec sa famille et tout ça, mais c'est une autre manière de découvrir en fait comment le voyage. Comment elle dit ça, on dirait que ça le fait chier. Ah bah oui, clairement, c'est. Ouais, c'est moi j'ai ça. Noté j'ai un truc. J'ai coché sur mon emploi du temps, c'est une obligation. Non, là, non, mais moi j'ai noté un truc que t'as dit Théo qui était vachement bien, c'est que partir à deux quand t'as des embrouilles ou des galères, ça peut être plus simple à gérer en fait. Parce oui. que t'es deux, du ça coup t'es pas tout seul. Ça peut les arranger aussi. Non, mais bon, je sais que c'est une expérience qu'ils ont vécue tous les deux, et du coup, ils ont eu des galères, et bon, c'est plus fun. Et les quoi. Bons moments aussi. C'est-à-dire oui, que les bons moments, quand tu vis quelque chose, tu ouais. le ça vis. Ça peut te et rapprocher aussi. Ouais, bah, bien, oui, sûr, aussi. Bah, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mais tu partages. Ou le contraire, hein, parce qu'attention, ah, oui. hein, les voyages, ça peut être sujet c'est à. C'est un double tranchant. À, c'est un double tranchant, très clairement. Je me rappelle d'un marteau. Parce d'accord. que bizarrement. C'est quoi ça? Non, non. C'est bizarre, mais dans les voyages, on se rappelle souvent des mauvais des moments. Des petits détails. Non, plus des mauvais moments que des bons moments. Ah non, c'est pas vrai. Bah si, parce que quand t'as beaucoup de bons moments au final, et que très peu de mauvais moments, tu vas retenir plus. Ressort en fait le truc ouais. quoi. Moi je retiens surtout ça bizarrement. Il n'y a pas de bon moment. Non, je sais pas. T'es dit on se retrouve quand? Ouah, tu penses à Coca-Cola, mais oui, on se retrouve un autre vendredi, j'imagine. Le 31 lequel... Ouais, peut-être. C'est marqué là, c'est pas compliqué à lire. Hein. Il écrit 31-03. Ah, mais... Bah oui, le 31 mars, et donc à 21h, et on va parler de quoi? Protection animale. Alors ça c'est un grand sujet. Ouh là là. Ça va piquer. Alors on va prévoir 3 heures directement. Déjà 2 heures Teddy et les autres. Est-ce que vous voulez que je vous donne ça, si la phrase de bonus ou la question bonus? Alors c'est devrions-nous mieux encadrer la pratique de la chasse? La question qui est posée sur les réseaux sociaux. C'est 4 à 5 heures de débat, je pense. Et écoutez, on va essayer de faire mieux. De 4 à 5 heures. Voilà. Donc oui, la question, devrions-nous mieux encadrer la pratique de la chasse? Ça va être long. Nous avons 4 heures. Non, sortez une feuille, c'est parti. Nous n'avons pas 4 heures. Compte rendu de la disserte, ça sera donc le vendredi 31. Mais avant, on a plein de choses. On a la classe, par exemple, qui arrive mercredi, la rediff. Ouais. Voilà. Puis de la musique. Puis de la musique, ouais, la bonne musique sur Indestar, comme d'habitude. Et encore, parce que dans le futur proche, on aura d'autres c'est, trucs c'est à vous bien proposer. La musique, hein. Mais ça, on le dit pas. Ouais, il y a des surprises. Quelle sera la musique là qui va passer dans quelques secondes? Alors, tu vois, bah, dans quelques secondes, ça sera Gifla avec Goodbye. Good vibe, tu vois déjà mon anglais est pourri, mais alors. Mais good vibe, c'est des bonnes ondes ça, donc du coup c'est cool. Bonne vibration. C'est ça, c'est bonne vibration. Bah oui. T'as oublié quelque chose? Et où est-ce qu'on peut réécouter l'émission? Et en podcast. Indestar.fr comme d'hab. Et on en podcast sur n'importe quel site de podcast. Oui, je comme suis d'hab. Totalement d'accord avec ça. Je ne et comprends juste pas. Émissions... Tu vois, tu vois, on parlait de langage universel. Mais tu vois, il y a des langages, s'il n'y a pas les mots. C'est compliqué. Ah, et attention, il y a Théo qui boss. Va derrière moi. Le boss. Il veut faire un truc. Pendant les émissions, on peut aussi appeler le 09 70 407 306. Bien joué, Kylian. Ouais, Théo, il a juste pris ma souris, il a fait un truc. Ah, mais tu vois, ça sans les mots, c'est compliqué à dire. Et ouais, mais on est boss, tu m'enlèves ce putain de jingle, oui. Voilà. Tu vois, sans ça, c'est compliqué de le dire avec les yeux, Linda. Tu vois. Je sais, oui, mais là, ça a été. Ouais. Ouais, ça, j'y arrive pas. En tout cas, moi, je remercie tout le monde d'être venu ce soir débattre avec nous. Merci à tous, rien. Vraiment. Merci. Et puis, merci. On se retrouve bientôt. Hein. Bonne soirée à vous. On vous fait des gros bisous, à bientôt. Bonne soirée, bonne nuit. Salut.